Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On est ensemble ce soir pour débriefer le Grand Prix d'Italie qui a eu lieu hier à Monza, remporté par Max Verstappen devant Lando Norris et Oscar Piastri. Une course qui n'était pas des plus animées, mais qui a quand même eu son lot de controverses. Et puis il y a également eu pas mal de news en marge de l'événement, donc on va pouvoir revenir sur tout ça et tout ce qui s'est passé dans le week-end. La semaine dernière, on était deux, cette fois, on est trois, puisqu'on note le retour de Franck, qui revient en même temps que Ferrari revient. Ça va, Franck ? Bonsoir tout le monde. Écoutez, oui, ça va très bien. On a eu un Grand Prix, effectivement, qui était très, très rapide. Voilà, c'est même le plus rapide de l'histoire de la F1. Mais avec, effectivement, voilà, il n'y a pas eu énormément d'action parmi les leaders, à part chez McLaren. Voilà, on a des petits soubresauts qui commence à arriver doucement mais sûrement, voilà, pour nous mettre en forme pour la fin de la saison. Je pense que il nous habitue doucement, tendrement à ce qui pourrait se passer entre les deux pilotes en fin de saison. Donc puis voilà, et puis une bonne victoire quand même, il faut quand même souligner, de Max Verstappen. Il a fait une pole magistrale, une gestion de course magistrale également. Oui. C'est à souligner. Donc voilà, c'était pas forcément très attendu vu la catastrophe de Monza en 2024, mais voilà, bravo à Max. Et puis les deux Ferrari terminent effectivement. Donc déjà, c'est un gros progrès par rapport aux Zandvoort. C'est vrai que alors Max Verstappen a pris au mot Stefano Domenicali qui disait qu'il fallait des courses plus courtes. Du coup, il a fait la course la plus courte qu'il pouvait. Et donc on est trois. Il y a Alex aussi. Ça va, Alex? Ça va très bien. Et puis effectivement, ça prouve à Stefano Domenicali qu'une course plus courte n'est pas forcément une meilleure course. Parce qu'effectivement, à part les soubresauts des derniers tours, même si c'était la course la plus rapide de l'histoire, on ressentit, elle était relativement longue parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, en tout cas en tête de course, puisque Verstappen, on le voyait plutôt performant, alors qu'il a fini sixième l'an dernier, mais on ne le voyait pas finir à 20 secondes devant tout le monde, et donc chapeau à Verstappen, et on ne s'attendait pas à commencer par lui, et pourtant, on commence par lui, c'est lui qui a vraiment sublimé toute la concurrence aujourd'hui. Allez. Effectivement, c'était forcément son week-end, hein, clairement. Il rate le hat-trick de peu, puisque Norris reprend le meilleur tour dans le dernier tour. Alors, et toi, le problème, on nous dit en live, c'était bien, puisque t'étais à Monza. Effectivement, en live, c'est toujours bien, hein, forcément, avec les voitures sous les yeux. Même si les courses sont pénibles, on ne le voit pas, c'est l'avantage des surplaces. Et l'ambiance aussi. Et l'ambiance, évidemment. Monza, c'est Monza. Évidemment, évidemment. Oui. C'est vrai que Monza, c'est particulier en plus. Donc, évidemment, on va commencer par Red Bull, hein, la victoire de Max Verstappen, la 13e place de Yuki Tsunoda. Alors là, c'est vrai qu'on avait été plutôt positif sur l'écart qui se réduisait chez Red Bull avant la pause estivale. On avait mis un petit message d'alerte après la pause estivale à Zandvoort, parce qu'il y avait eu 5 dixièmes en qualif. Là, ça a été ça a été quand même bien violent au niveau de l'écart. Verstappen a tellement été au-dessus de la mêlée, forcément, que Tsunoda en a fait les frais. Néanmoins, je rappelle à toute fin utile qu'une voiture et le potentiel d'une voiture se montre au niveau de meilleur pilote des deux. Mais c'est sûr que là, l'écart est quand même énorme. Toi, Franck, qu'est-ce que tu retiens du week-end de Max Verstappen au-delà de cette domination? Ah, c'est inattendu déjà, premièrement, ça c'est sûr. Mais des choix, en tout cas techniques, notamment au niveau de l'aileron arrière, qui ont été payants. Hein, clairement, c'était un pari que de partir avec une aile extrêmement déchargée et un appui qui permet d'avoir de très très belles vitesses en ligne droite, ce qui lui a d'ailleurs permis de passer, je pense, assez facilement Lando Norris. Alors après lui avoir rendu la position, hein, alors je pense qu'on reviendra peut-être sur le départ à un moment ou à un autre. Et surtout, malgré cette aile déchargée, garder un rythme extrêmement concurrentiel devant, permettant même de se détacher des McLaren, ce qui, je pense, que personne ne s'y attendait, voilà, de creuser l'écart ainsi, et sans trop dégrader les pneus. Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques visions sur ces pneus avec un mélange de graining et de blistering qui font que, bon, elle n'était pas en super, super forme, mais ça a été largement suffisant de façon pour Monza. On sait très bien que ce circuit avec la dégradation qui est quand même très, très faible, encore plus depuis que l'asphalte a été refait, permettait ce genre de pari, et je crois que Red Bull avec Verstappen et aussi avec Mekies, avec une nouvelle approche aussi, voilà, qui était vraiment soulignée par Helmut Marko, si vous avez lu sur le site effectivement aujourd'hui, c'est que voilà, il n'est plus question effectivement maintenant de se confier uniquement aux données du simulateur, aux ingénieurs et tout, c'est vraiment de faire confiance au retour de Verstappen, de rouler aussi avec beaucoup plus de performance moteur dès le vendredi, ce qu'il faisait pas forcément avant, pour avoir effectivement des conditions de roulage et de performance surtout, qui seront plus réalistes le samedi et le dimanche. Et cette approche-là a été saluée évidemment par Helmut Marko. Mmh. Ce qui fait que bah, peut-être que c'est une des clés de cette transformation. Donc il y a effectivement la transformation technique, il y avait un nouveau plancher aussi, je crois, qui a été introduit sur la voiture de Verstappen, pas sur celle de Tsunoda. Oui. Et un choix différent d'aileron arrière. Et je pense que voilà, le fait de réécouter le pilote, d'avoir une approche plus centrée vers le pilote, sur ses envies, sur ses attentes, a permis bah, voilà, d'un résultat un petit peu inattendu, c'est clair, parce que je pense pas que. Je crois pas qu'aucun de nous trois. Et vu une victoire de Verstappen dans ses pronostics il y a la semaine dernière. J'en étais pas loin, mais non. Mais voilà, on sait aussi que le moteur Honda, il est quand même très, très particulièrement très très bon aussi. Donc voilà, il faut pas non plus enlever aussi à Honda le crédit de cette victoire-là. Et voilà, je pense que ça fait un week-end extrêmement solide, sans fioriture particulière pour Verstappen. Dire, voilà, il a très très bien déroulé son week-end et il mérite amplement cette victoire. Il y a strictement rien à redire. Si ce n'est, peut-être en parler entre nous du départ. Effectivement, le départ. Alors moi, je tiens à saluer aussi son dépassement qui a lieu après, hein, mais qui a été très très propre. Ça fait plaisir de le voir justement mettre tout son talent à profit. On remercie Yves qui s'est abonné et qui dit ça fait plaisir de voir du monde capable de tenir tête aux deux McLaren. C'est sûr que ça change après les séries de doublés qu'il y avait eu. Et Contexte Dany, on te remercie aussi qui a pris un abonnement et qui dit j'ai loupé le début de l'émission, pouvez-vous recommencer? C'est ce qu'aurait fait McLaren en tout cas. On y reviendra un petit peu plus tard effectivement. Et Matt, oui, les débriefs en podcast vont arriver. Il y aura sûrement les deux en même temps du coup qui vont arriver. Hein. On s'excuse un petit peu pour le délai. C'est pas forcément que de notre fait pour le coup. Alors effectivement, c'est vrai que toi, Alex, qu'est-ce que tu as retenu, bah, peut-être de cet accrochage aussi au départ, enfin de cet accrochage, mais c'est alors, juste pour rebondir sur mes caisses. Ouais. Juste pour rebondir sur mes caisses, effectivement, c'est Verstappen lui-même qui a suggéré les changements de réglage du vendredi et qui lui ont permis de signer à Paul, qui effectivement n'était pas vraiment attendu. Alors on fait l'attendre dans le top 3, mais la Paul non. C'est pas que Marco, c'est aussi Verstappen. On l'a interrogé en conférence de presse et dit voilà, c'est clairement qu'on interroge. La différence avec Horner, voilà, c'est que Mekes, lui, il a un bagage d'ingénieur, c'est un ingénieur, comme Latsou. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est partie de ces team managers, de team principal ingénieurs. Et c'est voilà, un net changement de direction. On voit aussi que vraiment, avec Horner, le courant ne passait plus, puisqu'on ne peut pas dire que chez Red Bull, on se précipite pour défendre le bilan de Christian Horner, qui a bien dû aussi apprécier ses déclarations de là où il est, c'est-à-dire dans son cottage de Silverstone. Ah bah j'en rajouterais même que Marco a dit que l'ambiance était bien meilleure depuis que Horner était parti, il est sans détour aujourd'hui et que ça se passait bien donc, mieux. Voilà, le groupe vit le groupe. Ouais, enfin Marco, je sais pas si c'est la référence. Oui, c'est pas forcément la référence, on va dire, mais bon. L'ambiance sera encore mieux quand lui sera parti, mais bon. Après voilà, hein, c'est pas non plus mes caisses tout seul qui fait des réglages, donc il faut pas trop s'emballer encore. Et alors sur l'accrochage, enfin sur l'incident du premier tour, ben, c'était inhabituel de voir Red Bull demander à Verstappen de laisser sa place, de relaisser sa place. C'était pas logique puisqu'il prend pas le virage, prend pas meilleur départ et tasse effectivement Lando Norris. Moi, je pense que chez McLaren, on était presque surpris de le voir, d'autant plus que Red Bull avait le rythme pour creuser. Et ça, ils s'y attendaient pas. Ils auraient peut-être fait différemment et Red Bull avait le rythme pour creuser ces 5 secondes d'écart. Voilà, donc de toute manière, c'est vrai qu'on en parle moins, c'est moins de conséquences tant la domination de Red Bull était évidente. Effectivement, ça contrastait, Manu, tu l'as dit, avec le très beau dépassement sur Lando Norris. Moi, j'avais l'impression d'être en 2023 quand j'ai vu cette course, avec un Verstappen qui avait gagné à Monza, alors que l'an dernier, 7e en qualif, 6e en course, c'était retour vers le futur avec voilà, un Verstappen qui écrasait tout le monde. Oui, il y a Verstappen, voilà, à la fois un peu brouillon, mais bon, c'était le premier virage, on ne peut pas non plus l'accabler de partout, donc c'était quand même assez serré. Et Verstappen est très propre, donc c'était. Voilà, évidemment, c'est trop tard pour le titre de champion du monde, mais c'était une course de champion comme il n'a jamais cessé d'être. Et je vais même aller plus loin en le défendant, parce que c'est vrai que Norris passe dans l'herbe et tout, mais en fait, Verstappen ne fait pas de mouvement pour l'envoyer dans l'herbe. Et c'est juste l'aberration du circuit de Monza qui a 2 mètres de piste qui disparaissent d'un coup. C'est pas la première fois que ça arrive là-bas. Et c'est vrai que Verstappen a tenu sa ligne, en fait, a tenu son départ. Et comme l'a dit Mekies, c'était un risque de laisser repasser Norris, mais c'était une très bonne décision. Et Verstappen a fait le reste, en fait. Alors, c'est sûr que bah, on s'y attendait quand même un peu qu'il soit rapide, parce que depuis le début de saison, et surtout depuis que Red Bull est en retrait de McLaren, vraiment, on voit que dès qu'il y a un circuit rapide, lui est toujours très très bon. On se rappelle de Spa notamment, où il était quand même assez redoutable avec un aileron bien, bien débraqué. Et puis, mais c'est vrai que, il fallait quand même aller chercher. Effectivement, c'était totalement du renouveau pour Red Bull par rapport à l'an dernier, sauf dans la deuxième voiture, où là par contre, le week-end de Tsunoda était un petit peu compliqué. Alors il arrive en Q3 quand même, mais la course a été quand même compliquée. Et il dit qu'il fait un bon premier relais et que le deuxième, il a été perturbé par Lawson, alors que c'est lui qui va se resserrer sur la Racing Bulls et qui fait le contact. Et il dit qu'il a été perturbé tout le long du relais par ce contact-là. J'ai un peu tendance, enfin, j'ai l'impression que Tsunoda, paradoxalement, depuis que les choses commençaient à aller mieux, il se cherche de plus en plus d'excuses. Je sais pas si vous avez eu la même impression. Alors, tu as dit qu'il passe en Q3. Je crois que c'est l'écart avec Biermann, c'est 10 millième, je crois. 21 Je sais millième, je pas. crois. Mais oui, 21 c'est que dalle, millième, hein, ouais. c'est. Il se prend 7 dixièmes ou 6 dixièmes et demi sur Verstappen. Donc, l'addition est quand même lourde. Ce qui est énorme sur un circuit comme Monza, en plus. Voilà. Ouais. Et puis, il finit derrière Alonso, hein. Donc voilà, on n'y était pas effectivement sur Tsunoda, c'était une course insuffisante. Il n'a pas eu quand même de chance sur la stratégie, il faut aussi le dire, puisqu'il est ressorti dans un train DRS, et à partir de là, c'était plus ou moins terminé. Ah, et l'accident avec Lawson, c'est aussi, bon, c'est une des conséquences du fait qu'il est ressorti dans le peloton. Et après, il a eu des dégâts, c'était un incident. Et cette course, de toute façon, était déjà terminée, en fait, même avant l'incident avec Lawson, quoi. Qui est débile, hein, je veux dire, franchement, il y en a, enfin, c'est, s'ils veulent tous les deux quitter la filière Red Bull, c'est la bonne chose à faire. Je trouve que Lawson insiste un peu, mais après il n'y a pas de tour d'écart ou quoi, donc il a raison d'être là et de se battre. Tsunoda part du principe que parce que Lawson est de toute façon pas dans la même course que lui, il doit le laisser passer. Alors c'est sûr que midi on est sous le même toit, mais bon, si Lawson commence à, enfin on sait très bien comment ça marche chez Red Bull, si tu commences à montrer des faiblesses, tu restes pas longtemps, donc c'est compliqué. Après Yves, effectivement, je remets pas en question que la voiture de Tsunoda était sûrement un peu abîmée, hein, là-dessus il n'y a pas de doute, mais en fait, il n'a pas attendu le contact pour ne pas être très rapide, même s'il n'a pas eu de chance avec la stratégie, etc. Il y avait quand même un déficit de performance qui était colossal par rapport à Verstappen, et beaucoup plus que sur des Grands Prix précédents depuis le début de l'été, quoi. Donc, c'est ça pour moi, sur un circuit en plus qui est quand même le plus facile de la saison, hein, ça s'est réputé, c'est un peu compliqué, je trouve. Et c'est pas forcément engageant pour la suite de la saison et de la carrière de Tsunoda, du coup, malheureusement. Après, moi, je suis plutôt du genre à le défendre, mais c'est vrai que là, ce week-end-là, il est quand même vraiment pas bon par rapport au fait que c'était pas le pire, c'était pas le pire circuit, quoi. Voilà pour Red Bull. Je sais pas si vous avez encore d'autres, Bah, si on a raté des infos ou... on peut, on, bah, simplement, de manière comptable, on peut noter qu'ils ont plus que 21 points de retard sur Mercedes, finalement. Donc, alors, bien sûr, ils ont toujours, ça reste une équipe avec presque un seul pilote. Même si Antonelli marque peu de points également. Alors, ils ne sont pas favoris pour la troisième place, mais ce n'est pas dit encore. Ouais. Ce n'est pas dit, ils sont encore en vie. Effectivement, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai que Mercedes a un peu le même. Parce qu'en ce moment, Tsunoda marque des points sur les fins de top 10. Exactement ce qui se passe avec la deuxième Mercedes. Donc, ça va finalement. Le duel entre les deux équipes va se résumer potentiellement à un duel entre Russell et Verstappen, quoi. Et donc effectivement ce serait pas, enfin ils ont l'air d'être dans la lutte. Après c'est l'avantage qu'a Ferrari qui est un peu plus devant, et oui ils ont quand même des voitures qui sont un peu plus au même niveau. Mais en attendant de passer à Ferrari, on va passer à McLaren. Alors McLaren, sur le plan comptable il n'y a pas grand chose à dire. Le Grand Prix était un peu moins bon, on l'a vu dès le vendredi qu'ils avaient pas, ils ont dit dès le vendredi qu'ils n'avaient pas le matelas d'avance qu'ils ont habituellement. Ils ont été battus pour la pole de pas grand chose, honnêtement. Et c'était Norris a fait une qualif laborieuse avec, il a failli être éliminé en Q2. Il passe de justesse. Il rate son premier tour. Son premier tour était pas bon en Q3. Et finalement, il prend la deuxième place. On souligne juste quand même que Piastri a donné l'aspiration à Norris quand même pendant la Q2. Oui. Pour l'aider à passer, ce qui est quand même un geste de sportivité assez peu banal ouais. à ce niveau de lutte entre eux, quoi. Bon. Après, je pense que là-dessus, McLaren donne des consignes très claires et pas forcément, enfin, tu vois, un peu inamovible. Oui, mais il aurait pu refuser, parce que ce que c'était là, d'ailleurs, oui. admis, hein. Mais il l'a fait quand même. Mais je pense que là, justement, en fait, je pense que ce que gagne McLaren maintenant, c'est tout ce qu'ils ont mis en place depuis 3 ans, avec les Papaya Rules, etc., à dire un truc très positif, ou finalement, alors on va y revenir après, parce que c'est pas le sujet principal, mais il y a quand même un truc où McLaren. Mais c'est à noter quand même. McLaren, finalement, et ça reviendra à mon argumentation plus tard, McLaren a quand même mis en place un duel qui est pour l'instant beaucoup plus sain que ce qu'on a vu à l'époque entre différents équipiers. Je pense notamment McLaren plusieurs fois. Hein. C'est quand même une équipe qui a un historique de duels catastrophiques entre équipiers. Donc, Mais non, ça s'est très bien passé entre Prost et Senna. Oui, entre Alonso et Hamilton aussi. Entre Alonso et Hamilton. Ce sont des mythes, des légendes, des fake news, comme dirait Donald Trump. Exactement, exactement. C'est comme chez Mercedes, où c'était bien passé entre Hamilton et Rosberg. Néanmoins. C'était ami, tout ça. Ou même entre Verstappen et Perez, d'ailleurs, hein, puisque Verstappen n'avait pas voulu donner une sixième place à Perez il y a 3 ans de ça. Mais non, c'est sûr qu'après. Selon le père Checo Pérez, c'est Perez qui a laissé Verstappen gagner tous les titres mondiaux. Hein. Alors Verstappen et Donné, ça va pas ensemble. Hein. C'est vrai. Et puis on rappelle que le père de Perez avait quand même dit que Perez gagnait les circuits où Verstappen était incapable de gagner, donc enfin, j'exagère à peine. En attendant, on est sur McLaren, alors c'est vrai que j'essaie de retarder ce débat parce que je sais qu'il est un peu tendu, mais non, simplement McLaren donc avait une voiture un peu moins bonne, là-dessus il n'y a pas de doute. Et en fin de course, il y a eu, ils ont attendu en fait de la fin de course pour s'arrêter en espérant une neutralisation. Finalement, arrivé à 4-5 tours de la fin, c'était plus possible parce que Verstappen avait repris la marge assez pour que même une neutralisation au safety car ne soit plus suffisante pour que les McLaren ressortent devant. Ils ont donc arrêté Piastri en premier au lieu de Norris, puisque Piastri voyait Leclerc revenir à moins de 5 secondes. Norris a accepté de laisser passer Piastri au stand en premier. L'arrêt de Piastri s'est bien passé et celui de Norris s'est mal passé, il est sorti derrière et donc McLaren a décidé de refaire passer Norris devant puisque l'arrêt s'était mal passé. Je sais qu'on n'est pas d'accord, du coup. Non. J'ai pas encore l'avis d'Alex, mais j'ai déjà demandé l'avis de Franck puisque je sais qu'au moins on aura un avis différent. Je t'écoute, Franck, pour ton avis à ce sujet. C'est compliqué, c'est partagé. Et d'ailleurs, en lisant un petit peu les réactions du paddock, je pense qu'on n'est pas les seuls à être pas d'accord entre nous. Hein. Y a beaucoup de polarisant. C'est polarisant effectivement parce que. La question est de savoir, effectivement, est-ce qu'un arrêt raté, ça doit faire partie des faits de course qu'un rival, qu'il soit dans une équipe, encore moins, bien évidemment, dans une autre équipe, mais en tout cas dans la même équipe, c'est un fait de course dont un autre pilote doit pouvoir tirer parti. Et pour moi, c'est le cas. Pour d'autres personnes, comme David Coulthard aussi, qui a même parlé de courses manipulées par McLaren, c'est le cas aussi. Il y a pas mal de gens dans le paddock. Il y a Toto Wolff aussi qui dit qu'il y a un précédent qui a été créé aussi. C'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce qu'une équipe, en fait, la question la plus globale, c'est jusqu'où une équipe peut compenser ses erreurs ou ses problèmes, que ce soit de fiabilité, d'exécution, opérationnelle ou autre, pour rééquilibrer les chances entre 6 pilotes. Et là est un débat qui n'a pas été tranché. D'ailleurs, même Oscar Piastri, là, sa première réaction, c'est d'ailleurs toujours les premières réactions qu'il faut toujours écouter, c'est « Mais pourquoi est-ce que je dois rendre la place ?» Et même Max Verstappen s'est moqué aussi. Voilà, parce que Max Verstappen, alors lui, soyez sûr que si c'était arrivé chez Red Bull, Verstappen n'aurait jamais laissé repasser Tsunoda devant. Hein. Soyons clairs. Et pour moi, je suis assez d'accord aussi là-dessus. Un fait de course, il faut bien pouvoir différencier aujourd'hui les pilotes sur quelque chose, sur leur la fiabilité est vraiment extrêmement bonne, les erreurs sont très peu nombreuses. Il faut vraiment pouvoir différencier effectivement quelque chose. Alors le problème qu'on a chez McLaren mais aussi chez d'autres équipes, c'est que les équipes de mécaniciens au stand sont les mêmes. Les arrêts au stand, c'est partout pareil, c'est toujours les mêmes mécanos qui les font. C'est les mêmes mécanos pour l'un et pour l'autre. Donc effectivement. De ce côté-là, ça peut se comprendre qu'on a envie de rectifier l'erreur. Maintenant, j'ai envie de vous dire, McLaren a fait perdre beaucoup de points à Norris à Zandvoort parce qu'il y a une durée d'huile qui a été, d'ailleurs, on en profite du coup pour donner l'information. C'est une durée d'huile du coup qui a lâché et la durée d'huile est de la responsabilité de McLaren. Donc, cette durée d'huile, c'est de McLaren de la concevoir pour que le refroidissement se fasse correctement et elle a lâché. Donc dans ce cas, pourquoi on pénalise Norris du coup et on pénaliserait pas aussi Piastri sur autre chose en compensation puisque c'est aussi une erreur de l'équipe pour le coup et sur une erreur alors ça c'est une erreur technique mais sur une erreur opérationnelle Je trouve ça un peu, pour moi, je trouve ça un peu. Je dis pas que c'est un scandale, comme David Coulthard dit, manipulé. La course est manipulée. Je le dirais pas jusque là. Je dirais juste que il faut des faits de course pour pouvoir différencier des pilotes dans un championnat. Et ce genre de choses, un arrêt lent, c'est ce qui arrive. Et c'est Piastri l'a mentionné, Verstappen l'a mentionné, d'autres pilotes dans le paddock l'ont mentionné, d'autres consultants, que ce soit sur Sky Deutschland, Sky Italia, même sur Canal aussi, et les avis n'étaient pas les mêmes. Il faut, malheureusement pour un pilote, voilà, c'est chance, malchance, moi je peux un peu appeler ça comme ça. Mais si l'équipe doit à chaque fois rectifier ses erreurs pour rééquilibrer les chances, ça peut devenir assez lourdingue, on va dire, jusqu'à la fin de la saison. Et je trouve pas que ce soit très sain non plus en termes d'approche. Donc Stella a admis, c'est un article qui sortira demain que j'ai écrit ce soir. Stella a admis que ce cas de figure n'avait pas vraiment été étudié par l'équipe. Et comme l'a dit Piastri, ça sera ouvert à discussion, même si sur le coup il a pas voulu trop critiquer. Mais c'est quelque chose qui sera du coup évoqué. C'est-à-dire, en gros, c'est est-ce que pour ce genre d'erreur-là, l'équipe doit oui ou non compenser? La question, entre guillemets, chez McLaren, ils disent clairement, elle est posée. Donc, moi, j'ai vous donné ma réponse. Je sais que vous n'avez pas forcément le même avis que moi, mais je sais que beaucoup de gens, beaucoup de fans, ont estimé qu'il ne fallait pas la compenser. Voilà. Moi, j'ai un avis drastiquement opposé. Je vais y aller d'abord et je te laisserai trancher après, Alex, si ça te dérange pas. En fait, c'est juste que déjà David Coulthard, je pense que lui, il dit ça, mais parce qu'il l'a subi en 98 où il a dû laisser passer Hakkinen parce qu'ils avaient raté un pit stop sur Hakkinen, enfin, ils avaient fait arrêter au stand pour rien. Deuxième chose, je pense que McLaren a fait une énorme erreur de communication, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su expliquer pourquoi ils l'avaient fait, alors que très clairement, le problème, c'est pas le pit stop raté. Le problème, c'est qu'il demande à Norris, et c'est pas Norris qui a refusé, comme j'ai lu dans le chat, il demande à Norris de faire rentrer Piastri d'abord pour éviter qu'il se fasse dépasser par Leclerc. Et c'est là en fait que la chose doit être réparée, c'est que à partir du moment où Norris accepte de faire une faveur à Piastri, alors que normalement il aurait dû rentrer d'abord, parce que s'il rentre d'abord, il perd ses 4 secondes au stand, mais il en regagne au moins une à une et demie en piste par rapport au fait qu'il fait l'undercut, et donc justement il reste devant quoi qu'il arrive, puisqu'il avait plus de 3 secondes et demie d'avance. S'il s'arrête en premier, ce qui aurait dû être l'ordre logique, puisque celui qui est devant a toujours la priorité au stand et peut décider de rentrer d'abord. Ce que Norris voulait faire, et on lui a dit à la radio, t'inquiète pas, il n'y aura pas d'undercut, laisse rentrer Oscar d'abord, puisque on a besoin de le défendre face à Leclerc. Et de là, on dit à Norris, tu rentres après, Norris, son arrêt est raté, et il ressort derrière. Et en fait, McLaren a mal communiqué, ils auraient dû dire, on a fait une faveur à Piastri, qui a été injuste pour Norris, parce qu'en fait, si on avait laissé le truc à la fin, Norris aurait perdu sa deuxième place parce qu'il a été trop gentil en laissant Piastri se rentrer d'abord. Et qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, putain, Norris, il est trop fair play, trop gentil, trop faible. Donc, moi, ce qui m'emmerde un peu, c'est que Norris, il peut jamais faire quoi que ce soit de gagnant. Quoi qu'il arrive, il est perdant. C'est-à-dire que il fait un truc, c'est pas un coup. On va dire qu'il est pas. En Hongrie 2024, il essaie de négocier à la radio pour rester devant. On dit, il est pas fair play, il rend pas la victoire. Hier, il laisse passer Piastri au stand en premier. S'il perd la place là-dessus, on dit, bah, Norris, il est trop faible, il aurait pas dû. Et là, du coup, McLaren corrige ce tort, on dit, oh, Norris, en plus, il est favori dans l'équipe. Norris n'est pas favori dans l'équipe. McLaren a simplement fait une faveur à Piastri, qui a ensuite... Alors, en fait, si Piastri avait terminé deuxième, c'est clairement l'équipe qui aurait fait une faveur à Piastri en faisant quelque chose qui est contraire aux habitudes de l'équipe, et donc, du coup, en défavorisant très clairement Lando Norris. Et moi, je trouve ça totalement normal qu'ils aient fait ça. Et je trouve que leur seule erreur, c'est de ne pas avoir communiqué là-dessus, d'avoir communiqué sur on a raté le pit stop, donc on compense. En fait, c'est pas le pit stop. Pour moi, c'est pas le pit stop raté qui compense. C'est le fait d'avoir fait rentrer Piastri d'abord, qui était effectivement une consigne en faveur de Oscar Piastri, qui a failli coûter 3 points à Norris. Voilà, c'est mon avis. Je te laisse, Alex, donner ton avis. Non, mais Franck connaissait déjà mon avis, mais je suis plutôt de ton avis, Manu, et c'est bien ça. Ça prouve que il y a rien de tranché, que c'est un débat qui est vivant. Il n'y a pas de solution évidente, hein, qui s'impose avec évidence. Moi, on évoquait tout à l'heure qu'il y avait une excellente entente dans le duo McLaren. Je pense que là, on a eu peut-être une partie d'explication. C'est-à-dire qu'on a un traitement qui est équitable entre les deux pilotes. Et je veux revenir sur ce que tu as dit, Franck. Ça, effectivement, puisque le moteur, enfin, puisque l'équipe a été à l'origine de l'abandon de Norris à Zandvoort, pourquoi est-ce qu'il ne mettrait pas une bombe dans son moteur et qu'il exploserait sur le strip de Las Vegas, quoi. En fait, je pense que la philosophie, c'est qu'on peut rééquilibrer les performances en cas de faute attribuable manifestement. Là, le mot manifestement est important aussi à l'équipe. Première condition, que ce soit évident. Ça s'appelle Deuxième de la condition. manipulation. Du coup, ça s'appelle de la manipulation. Mais si Norris termine deux, si Norris termine Ah troisième, parce oui, que... si, si, c'est de la manipulation dans ce cas-là. Ah non, non, alors si tu me laisses finir. Attends. Première condition, que ça soit manifestement possible. Deuxième condition, que ça ne nuise pas au résultat d'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire qu'il marque le même nombre de points, en gros, avant et Oui, après la manœuvre. le Ce qui multitre ne... constructeur, ils s'en foutent. Ils ce l'ont que les... déjà. Non, non, non, c'est une question de principe, je pense. C'est pas une Mais question de ça, constructeur, c'est une question c'est de aussi des principe. principes pour l'avenir, je pense. Et ce qui n'était pas, ce n'est pas le cas, évidemment, si on fait péter le maître antidote, on fait perdre des points. Et si, par exemple, et ça a été Pestré, a été interrogé, il a répondu sur ça, conférence de presse, mais qu'est-ce qui s'est passé si, par exemple, Norris n'était pas ressorti troisième et quatrième, c'est-à-dire qu'il y a une voiture entre les deux, là, très clairement, il aurait pas été consigné. Donc, c'est la deuxième, Ah oui. première condition, manifestement, ça soit une faute de l'équipe, et pas, et Norris aussi a répondu en conférence de presse, si c'est moi qui est arrivé trop fort, j'avais raté mon emplacement sur le box des stands, etc. Là, ok, c'est ma faute, j'assume. Mais là, un, manifestement, la faute de l'équipe. Ensuite, deux, c'est possible de réinverser les positions sans dommage pour le nombre de points final. Qu'on soit en tête de. Même s'ils avaient verrouillé le site constructeur, ils auraient pris la même décision parce que ce qui importe, ce n'est pas le site constructeur, c'est le site pilote. En fait. Il ne faut pas aussi fausser l'équation. Et il y a eu quand même deux facteurs. Alors, McLaren dit que ça ne rentre pas en compte, mais quand même, psychologiquement, ça peut rentrer en compte. C'est qu'évidemment, Norris, il sort d'un Grand Prix où McLaren lui a collé un zéro, un abondant. Et en plus, effectivement, déjà Piastri avait été avantagé par l'undercut, qui était non seulement une faveur, mais aussi une possibilité de se protéger de Leclerc, qui n'était pas si loin derrière. Donc pour moi, je pense que c'est une décision qui est normale, ça prête à débat. C'est évidemment Piastri a râlé, mais je pense que c'était pas non plus très malhonnête ce qu'il a dit par la suite en disant qu'il réagit à chaud. Donc c'est aussi ça qui est à prendre en compte. Ça reste un sport aussi d'équipe, c'est pour ça qu'il y a une bonne harmonie. C'était pas. Ici, ça a toujours été la philosophie de ne pas nuire, on n'usait pas au résultat final. Donc pour moi, c'est une décision qui s'inscrit dans la pure logique du management de McLaren. Et si, au moins, ils sont constants. Alors oui, ça, il y a un peu de tergiversation, mais bon, pour moi, j'étais en soutien pour le coup là de McLaren. Ouais, vous vous rendez compte quand même que ça ouvre une boîte de Pandore, parce que encore ce cas-là, il est quand même plus ou moins. Vous pouvez me faire plus ou moins changer d'avis, je veux dire, de ce côté-là, ça peut encore se discuter. Mais sur des choses beaucoup plus litigieuses, on va devoir chaque fois décortiquer les moindres décisions de McLaren Mais ça, c'est à eux de le pour trouver. rééquilibrer les chances, C'est leur problème. ça va être très compliqué. Là, franchement, et je suis d'avis de Toto Wolff, on a ouvert une boîte de Pandore avec ce genre de choses. C'est un précédent qui va être. Voilà, on va passer une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas combien de temps, à discuter de ce choix de McLaren, sur quelque chose qui peut être à peu près presque compréhensible, c'est-à-dire leur choix de rééquilibrer, parce qu'ils peuvent le faire, ils sont dans la situation, dans la possibilité de le faire. Techniquement, opérationnellement, de manière comptable sur la piste, ils ne sont pas embêtés par Leclerc, ils peuvent le faire. Mais le jour où ce sera plus possible, ça sera plus la même chose, les amis. Ça sera vraiment. Et là, du coup, on pourra vraiment peut-être commencer à parler de manipulation de championnat. En tout cas, les fans de l'un ou les fans de l'autre monteront au créneau. Et c'est là qu'on commencera à voir la discorde chez McLaren. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que Piastri il est peut-être d'accord pour accepter ça. Parce que c'est 3 points. Si 7 points, c'est plus pareil. C'est la victoire, c'est plus Mais pareil. moi, maintenant, j'ai une question aux gens qui disent que c'est de la manipulation de championnat. S'il y a un pilote qui fait une qualif devant, il fait toute la course devant en allant jusqu'à 7 secondes devant son équipier. À la fin, il est censé s'arrêter en premier. Et on lui dit non, c'est ton équipier qui s'arrête d'abord. C'est la consigne de l'équipe. Et l'équipier finit devant. À quel moment c'est pas une manipulation de championnat? À quel moment c'est pas un Fernando is faster than you ou un Rubens tu ralentis avant l'arrivée? Alors C'est la là, même chose. C'est alors je te dis que exactement la même chose. la Hongrie a prouvé que c'était pas le cas. La Et ben non, Hongrie mais la Hongrie, c'est différent. a prouvé qu'ils avaient le choix de leur stratégie et que du coup, de ce côté-là, ils restent totalement libres. Oui, mais là, je te parle pas d'une stratégie. Là, c'est juste la question de qui rentre en premier. Et ils ont demandé à Norris de le faire rentrer Piastri en premier pour ne pas qu'il se fasse passer par Leclerc. Norris aurait très bien pu, à ce moment-là, Norris aurait pu dire, attendez, moi, je suis pour rien que lui, il est Leclerc au cul quand moi, je suis 5 secondes devant. Je veux pas qu'il s'arrête avant. Et du coup, dans ces cas-là, on aurait dit, ouais, Norris, il est pas fair play. Je comprends même pas pourquoi ils ont proposé ça alors qu'ils jouent pas la victoire. Parce que là, ils savent très bien que là, maintenant, c'est entre eux deux. Parce que La justement, victoire, pour ça, eux, la vie. La victoire, elle n'était plus en jeu, parce mais il propose que, ça pour... à part une voiture de sécurité, mais qui n'est pas arrivée. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment la manipulation, parce que, je veux dire, on ne leur laisse même pas le choix de quand ils ont envie de s'arrêter. C'est-à-dire, le mec, il a envie, le mec, enfin, le mec, je dis, Norris ou Piastri, on dit, je m'arrête maintenant, ok, j'accède à ta demande, je le fais. C'est toi qui décides d'undercuter ton équipier maintenant, parce que c'est toi qui l'as dit à la radio. Et je pense que c'est comme ça que ça devrait se mais passer. Mais là, c'est. Oui, et sauf pas que là, c'est. autrement. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, puisque les ingénieurs ont toujours la main sur les stratégies. En fait, à ce moment-là, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils disent aux pilotes: on ne vous donne plus rien et vous vous démerdez dans la voiture jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est pas le cas en Formule 1, on sait très bien. Il n'y a pas 15 ingénieurs qui bossent dans les garages pour que finalement ce soit le pilote qui décide. Les 15 ingénieurs, ils bossent parce qu'il y a la dégradation des pneus, il y a les stratégies de oui, calculer en temps réel, etc. À la limite du raisonnable, évidemment. Donc, le truc, c'est que, par exemple, en Hongrie, la stratégie, elle est calculée en temps réel, elle est remodifiée en temps réel parce que Norris, finalement, fait durer ses pneus plus longtemps que ce qui était prévu par toutes les simulations de McLaren. Du coup, lui, il dit, bah, moi, je peux aller au bout. Et hier, on a vu des discussions là-dessus. Est-ce que tu vas l'entendre? Est-ce que tu vas l'endurer, machin? Au final, il a dit, on fait l'inverse de ce que Verstappen fait. Le truc, c'est que je vois pas comment le fait de compenser une décision à cause, après une erreur comme ça est plus de la manipulation que s'ils avaient juste offert 3 points de plus à Piastri qu'ils ne les méritaient pas. En fait, c'est ça qui nous aurait fait 6 points de plus, en fait. Et je comprends pas en quoi ça aurait été moins de la manipulation que ce qu'on a vu hier. Pour moi, c'était encore plus de la manipulation, parce que c'était une consigne qui aurait été exactement à l'échelle de Jean-Todd Ferrari, de Stefano Domenicali Ferrari, ou de, voilà, c'est, pour moi, c'était ce genre de consigne. Si jamais il laissait Piastri devant, alors que, factuellement, Norris a été devant toute la course, et qu'il avait la priorité au stand, qu'on lui a donné, enfin, qu'on lui a pas donné. Et en fait, pour moi, le moins important, c'est que ce soit manifestement la faute de l'équipe. Et qui est aucun débat à ce sujet. Là, en Hongrie, on ne pouvait pas dire que c'est la faute de l'équipe qui a mal évalué la stratégie, etc. etc. C'était vraiment cette stratégie qui n'était pas attribuable à une erreur directe, manifeste, coupable, et vraiment visée par tous, de aussi visible qu'un écrou avant-gauche mal serré. Pour moi, c'est la deuxième condition qu'il faut jeter, c'est vraiment que ce soit manifestement la faute de l'équipe. Et là, c'était manifestement là. La faute de l'équipe. Bah, et du donc... coup, attendez-vous à une fin de championnat plan-plan entre les deux, du coup, où chaque chose non. sera compensée par ah non, justement, parce que là, les écarts se resserrent grâce à. Oui, non, en plus, ça ne sera pas plan-plan, parce que. Après, moi, c'est aussi Alain. Ça, moi, je ne suis pas contre que ça augmente l'écart. Je trouve juste qu'on offre à Norris 3 points de plus que ce qu'il aurait dû avoir. Voilà, c'est tout. Mais non. Pourquoi il aurait pas dû les avoir alors qu'il était meilleur parce tout le week-end? Parce qu'un mécanicien a fauté. Non, non, non, non, non, non. Et tant pis pour lui. Et si. C'est faux. C'est faux. Ça aurait pu arriver à passer. C'est faux. La décision de base, c'est pas l'erreur des mécanos. C'est la décision de faire rentrer après Piastri. C'est ça le truc. C'est qu'au départ, on donne oui, un avantage mais, à Piastri. Mais Norris et Piastri ne sont pas loupés sur leur tour de sortie, sur leur tour de rentrée, tout ça. La différence se fait parce qu'un mécano se loupe sur le serrage d'un écrou. Oui, mais du coup, si et là, c'était, par exemple, désolé, on peut aussi dire que ça doit contrebalancer la décision de l'équipe que la position reste la même. Et ben non, la parce que dans ces cas-là, même. Oui, d'accord, mais dans ces cas-là, on peut dire si il s'est arrêté dans l'ordre réel dans lequel ils doivent s'arrêter, ils veulent s'arrêter, et ben là, c'est l'arrêt de Piastri qui aurait été foiré, il aurait terminé quatrième. Donc là, on peut dire Piastri gagne ben, 3 points de plus que ce qu'il aurait dû gagner. Et ben tant pis pour lui à ce moment-là. Et ben voilà. Mais du coup, on peut pas. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment le truc de base, c'est que McLaren a décidé d'avantager Piastri. Et de là, ça a donné 3 points de plus à Piastri. Et ben non, dans ces cas-là, c'est pas bon parce que c'est un avantage qui était indu. Et en fait, il était beaucoup moins méritant à terminer deuxième que Norris qui est devant toute la course et qui accepte encore une fois de laisser son équipier je pour essayer de l'aider. Pas méritant. Je dis juste qu'il a subi un fait de course qui n'aurait pas dû être raté. Pour moi, c'est pas un fait de course, c'est une erreur de l'équipe qui est suite à une décision. On aurait dû faire un sondage dans le chat. C'est vrai. Et je vois que j'ai quand même pas mal. J'ai des gens qui me soutiennent, d'autres non, évidemment, mais c'est quand même extrêmement partagé. Hein. Alors, dans le chat, puisque vous êtes tous là et que vous avez sûrement tous un clavier sous la main, vous écrivez Norris si vous pensez qu'il aurait dû finir deuxième ou Piastri si vous pensez qu'il aurait dû finir deuxième, on verra combien il y en a. J'ai pas de sondage, mais on va faire ça à l'ancienne. Oh, on va commander tous les instituts de sondage. Attends, je vais écrire plusieurs fois. Plusieurs fois Norris dans le chat. Non, mais ils sont occupés sur les roues, là, les instituts de sondage. Donc, ouais, c'est ça. Alors, il y a Norris Leclerc, là, pas cool. C'est serré. ce que fait Leclerc ici. Donc, oui, non, en tout cas, c'est des avis qui sont très partagés. Mmh. Moi, je trouve qu'il faudrait écrire ça dans la philosophie d'ensemble de McLaren. Non, les gars, juste Piastri ou Norris, s'il vous plaît. L'équité. L'équité jusqu'au bout. Et c'est dans cette perspective-là qu'on peut comprendre. Hein. C'est vraiment. Je sais que Lambeau Diablo était de mon côté, donc Piastri, voilà, c'est cool. Non, mais il y a quelques Piastri aussi, quand même, mais de toute façon, c'est polarisant, on l'a dit. Mais, c'est 50-50. Hein. Mais pour moi, c'est. En fait, pour moi, c'est que vraiment, si Piastri termine deuxième, c'est de la consigne pure et simple de. On a avantagé un pilote. Je comprends ta consigne si par exemple les deux sont extrêmement proches l'un d'autre. En gros, l'undercut de l'un à un tour près. Le faire passer devant. Mais c'était pas le cas, ils avaient, je crois, 5-6 secondes d'écart entre bah oui. Et on promet à Norris qu'il n'y aura pas d'undercut. Voilà, mais il n'y en aurait pas eu s'il n'y avait pas eu Je pense problème que au stand. s'ils ont pris Voilà, cette c'est ça le décision, c'est truc. qu'ils savaient qu'il n'y en aurait pas eu. Voilà, mais sauf que comme ils sont foirés au stand, il y en a eu un. Voilà, et ça, ça vient pas, comment dire, en contradiction avec la consigne de base qui était, il n'y aura pas d'undercut. Il y en a eu un, malheureusement, parce qu'on s'est foiré sur la reine Norris. Et ils font, Non. et voilà, et pour moi, les deux faits sont indépendants de l'un de l'autre. Et sur Bah pareil, pour c'est moi, un peu non. ça revient un petit peu au problème des statistiques et des probabilités en mathématiques. C'est qu'il faut considérer les faits qui sont indépendants les uns des autres. Et pour le coup, là, les deux faits sont vraiment indépendants. Et ben moi je trouve pas. Oui, voilà, là je suis d'accord avec toi. Pour le coup, c'est Ah indépendant. mais Voilà. choisis un camp, toi. Non, mais oui. mais pour moi, parce que pourquoi? Ils avaient calculé qu'avec même avec l'Undercut, Piastri ressortirait derrière Norris. Hein, c'est pour ça qu'il arrête juste après, c'est pour ça que c'est indépendant. Dans la mesure où l'Undercut n'affectait pas la situation de Norris qui devait. D'ailleurs, on allait à radio, hein, juste la radio, juste après, où on dit à Piastri, tu vas ressortir juste derrière Norris. Hein, c'est que dans leur tête, l'Undercut, l'élément déclencheur, c'est vraiment la roue bloquée, hein, et encore l'avant-gauche au passage. Hein, c'est pas... Mais et tu vois, le truc c'est qu'on dit à Piastri tu vas sortir juste derrière, donc déjà on lui redonne, et moi je trouve que c'était déjà sympa, on lui redonne, il a 3 secondes et demie de retard au départ, on lui dit tu vas sortir juste derrière, donc on lui redonne 1 seconde et demie offerte et on lui dit derrière tu peux te battre, donc c'est sympa. Je trouve que c'est déjà sympa de base, tu vois. On le relance Ah dans bah oui un, on le ça relance ah dans un, oui on le relance dans un fight qui n'était pas le parce sien. qu'il était à il était à 3 secondes hein, sinon donc Parce que si jamais, là il y a 3 secondes et demie, si jamais on fait rentrer Norris en premier, Norris ressort avec 5 secondes d'avance. Et là, Piastri, jamais il voit la deuxième place. trois Non, 3 et demi, il y avait 1 seconde et demie d'undercut à peu près. qu'est-ce que t'en sais, ça se trouve le mécano il est biaisé pour Piastri, c'est peut-être il a fait exprès de rater Il les était sphères du payé pour micro. Piastri. Ah non, Briatore bosse pas. Non, c'est C'est bon, la maman, c'est la maman de Piastri qui a payé le mécano. Non, mais c'est bon, Briatore bosse pas chez eux, donc il n'y a pas de magouille. Bon, ouais, on va arrêter les théories foireuses, évidemment. Oui, évidemment, Juste pour plaisanter, c'est de la évidemment. Ça fiction. aurait pu Hein. arriver à l'un comme à l'autre, je pense. Mais Ah, voilà, mais bon, ça fait deux fois que ça arrive à Norris, en attendant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, voilà, c'est. C'est clivant, c'est polarisant, il n'y aura jamais de 100% vrai ou de 100% faux sur cette question-là, évidemment. Et j'abonde autant dans mon sens que dans le sens de mes camarades, voilà, que de ceux dans le chat. Je veux dire qu'à ce niveau-là, de préserver l'équité, en tout cas des chances sur les deux pilotes, je trouve ça extrêmement louable de la part de McLaren. Je dis juste que pour ce petit débat-là, ça peut en entraîner des beaucoup plus gros plus tard, sur des choses plus importantes ou graves à trancher. Et ben Pour moi je l'instant, on n'est pense pas pas. sur des choses. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est 3 points. Non mais en fait, Mais. là où je vais rebondir sur un autre truc qui pour moi est le même sujet, c'est que en fait à chaque fois qu'il se passe un truc chez McLaren, on espère du sang, tu vois. Genre Norris a tapé Piastri au Canada, ouh là là, ça y est, enfin ils sont enfin accrochés. Et derrière, c'est tout de suite désamorcé. Et en fait, je pense que ce que les gens n'aiment pas, c'est que tout est désamorcé chez McLaren. C'est-à-dire que y a pas de baston. Il n'y a pas Ah, c'est d'engueulade dans le désamorcé public. en public, hein, parce que Piastri demande comme une explication Oui, en interne. mais Hein, c'est désamorcé en public. Je te rappelle que chez ouais. Mercedes, chez Chez McLaren, Mercedes, chez ouais. Ferrari, chez Red Bull, ils n'ont jamais su désamorcer en public. Ça a toujours pété en public. 2014-2016, McLaren, ça pète. Moi, je trouve que McLaren, Mercedes, des ouais. gestions de. Oui, pardon. Et là, McLaren trouve. Donc, j'avais. Oui, Mercedes, 2014-2016, ça a pété. Et McLaren, là, on peut les critiquer. Ils donnent des. Un exemple de bonne gestion de deux pilotes qui se battent pour le championnat du monde. Désolé, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu deux pilotes qui se battent pour le championnat du monde être autant respectueux avec aussi peu d'accrochage. Alors, ça peut peut-être changer la course d'après. Et même s'il y a un gros carton, il y a quand même eu un gros carton au Canada, c'était quand même assez apaisé. Donc, moi, effectivement, c'est peut-être décevant pour le côté popcorn, mais on voit en fait beaucoup plus de, je sais pas, de maturité. C'est des bons gars. Ils gèrent les choses, c'est bien géré, c'est pas des. Évidemment, ils ont des égos énormes, mais c'est pas des traîtres. Enfin, voilà. Encore une fois, ça peut changer rapidement. Peut-être plus du côté Piastri que Norris, j'ai l'impression. Mais Et tu vois, pour l'instant, c'est exemplaire. je trouve que c'est l'incident du Canada, il est incroyable dans le. Dans le justement cette façon qu'ils ont désamorcé, c'est-à-dire que Norris tout de suite dit c'est ma faute. Alors beaucoup de gens disent ah oh, il est faible, n'empêche qu'il est fair play parce qu'en fait Norris n'a jamais raison, mais là le coup il avait raison, c'était de sa faute, il a raison de le dire. Et on se rappelle que par exemple en 2011 il y a exactement le même accrochage entre Hamilton et Button et les deux se renvoient la faute. Pourtant c'est pour une à ce moment-là ils sont top 10, tu vois, ils sont pas dans... Et derrière, là, cette année, McLaren s'est désamorcé tout le temps. Alors déjà, c'est désamorcé parce que Andrea Stella, c'est le maître zen du paddock. Tu l'écoutes parler, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre depuis 3 ans, qu'il a 2 ans qu'il est à la tête de McLaren. Il n'y a jamais un mot qui est sorti. Zak Brown, lui, c'est pareil. Et les pilotes, on sent que des fois il y a des petites tensions, on sent que des fois ça les saoule, mais on leur a suffisamment enseigné, et c'est là que j'en reviens à mon tout premier argument au début début de chapitre McLaren, on leur a suffisamment enseigné que c'était pour le bien commun de l'équipe et pour le bien de l'équipe que maintenant ils savent que de toute façon, si jamais ils jouent perso, ça leur retombera dessus. Et je pense qu'on les a aussi menacés de ça en interne, et là c'est moi qui le présume, mais je pense qu'il y a un peu de ça, où on les a éduqués, entre guillemets, surtout Piastri, parce que lui, enfin, les deux sont arrivés en tant que rookie chez McLaren aussi, donc ça aide. Voilà, c'est ça qui joue. C'est des pilotes qui ont grandi là-dedans, ils ont grandi dans ça, et on se rappelle qu'à l'époque, Ricardo Norris, il y avait énormément de consignes. Monza, Norris accepte de ne pas aller chercher Ricardo, alors qu'il est deuxième et qu'il a sa première victoire, qui est devant lui et qu'il a plus de rythme. Et il y a eu plein de choses comme ça, et à chaque fois, McLaren a su. Il y a même eu des consignes, je crois, à Bakou, pour une sixième place. Et parce qu'à chaque fois, c'était le bien de l'équipe. On n'attaque pas quand il n'y a pas besoin d'attaquer. On ne crée pas de drama quand il n'y a pas besoin de créer de drama. Et pour l'instant, ça fonctionne. Alors, je ne dis pas que ça fonctionnera jusqu'au bout. Mais je pense aussi qu'il y a un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que McLaren, ils ont deux pilotes qui sont signés jusqu'en 2028, 2029, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça parte en couille. Parce que nous, on voit ça, oh là là, ça va être la lutte pour le titre. Sauf qu'il y a un programme 2026 qui va être très chargé à lancer. Il y a derrière au moins 3 ans de cohabitation. Si c'est la guerre en fin 2025, ça pourrit 2026, 27, 28. Donc eux, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe calme. Et en fait, bah, tant pis pour nous. Quand je dis nous, c'est le public et particulièrement les gens qui veulent du drama, parce qu'on sent que les gens sont tendus et qu'ils ont envie que ça pète, mais qu'à chaque fois, ça les frustre. Et je pense que McLaren joue le long terme. Et c'est très bien quand t'as des pilotes de 25 et 23 ans qui sont là à long terme. Et là-dessus, je pense que c'est très très bien. Après, et je suis convaincu qu'il n'y a pas de boîte de Pandore qui est ouverte. Je suis convaincu qu'ils vont expliquer en privé. Peut-être que Piastri va dire « Moi ça, j'en veux plus ». Peut-être que Norris dit « Moi ça, j'en veux plus ». Ils vont évoluer. On voit que les consignes, les fameuses papaya rules qui sont ultra floues, elles sont floues pour nous parce que personne ne sait en public ce que c'est. Mais en intérieur, ils ont tous l'air de connaître exactement les limites. Et je pense que c'est la force de McLaren. Et je pense que c'est pour ça que ça se passe bien. Tu vis un peu dans un monde parallèle, je pense, Manu. Excuse-moi de te le dire. Moi, je pense pas. Mais il est jamais d'accord, Manu. Non, mais je pense pas. Je pense pas. Parce non, il y a surtout une grosse donne qui a changé par rapport il y a 2-3 ans, c'est que les équipes ont pris beaucoup plus de poids que les pilotes aussi ces derniers temps. Et que Norris et Piastri savent très bien que ils sont un petit peu, comme tu dis, formatés McLaren, hein, l'éducation McLaren, la philosophie McLaren. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est que maintenant, les équipes ont vraiment repris le lead sur leur philosophie, sur beaucoup de choses en termes de développement, en termes de culture d'équipe aussi, en termes de performance aussi. Voilà, c'est qui font que les pilotes, encore moins les pilotes McLaren qui ne sont pas encore champions du monde, ont leur mot à dire par rapport à ça. Le seul pilote aujourd'hui sur la grille de départ qui peut imposer ses conditions, faire quelque chose qu'il a vraiment envie de faire et imposer, voilà, vraiment dire j'ai envie de ceci et pas de cela et aller ici ou là, c'est Max Verstappen. C'est le seul pilote aujourd'hui sur la grille de départ qui est capable de faire ça. Évidemment, tu prends l'exception qui confirme la règle. Mais voilà, t'as même Lewis Hamilton aujourd'hui qui est en perte de vitesse. Voilà, faut quand même l'admettre, n'est plus capable d'imposer ses conditions. Et donc voilà, vous avez maintenant des équipes qui ont, de par leur force financière, l'attractivité de la Formule 1, ont pris un poids supplémentaire par rapport aux pilotes, qui font qu'elles sont capables aujourd'hui de dire à leurs pilotes bah écoutez les gars, vous suivez ce qu'on vous dit de faire, et si vous n'êtes pas content, vous partez, parce qu'il y en a un paquet qui attendent leur place derrière. Et je pense que Norris et Piastri, d'ailleurs, ils l'ont dit un petit peu, hein. On sait qu'on est là pour longtemps, on sait qu'on est là aussi pour jouer plusieurs championnats, c'est pas que ce championnat-là. On sent quand même dans leur pensée, dans leur réflexion, il n'y a pas que 2025, comme tu l'as dit très justement, Manu, de ce côté-là, j'abonde dans ton sens. Il n'y a pas que 2025 qui est en jeu, il y a la suite aussi. Et ce qui permet aussi, du coup, de lisser un petit peu les réactions à chaud, de lisser un petit peu toutes les mésententes qui pourraient y arriver. Je pense que si on n'était pas dans ces quatre figures-là où McLaren serait dans la position de jouer le titre ou de très bonnes victoires pendant longtemps, on verrait peut-être deux pilotes qui seraient plus ardents devant un micro. Oui, sûrement. Mais du coup, ça rejoint un peu ce que je disais quand même, parce que au final, McLaren impose des règles. Elles sont un peu malléables, je pense, mais à la fin, les pilotes ont l'air de jouer avec le même jeu en sachant très bien à quel jeu. Oui, mais ils les subissent un peu dans ce sens où, j'ai envie de te dire, ils n'ont pas forcément de solution de secours derrière. Et non. Ils ont pas, voilà. C'est un petit peu le renversement qu'on a subi avec la F1 de Liberty Media, en fait. Après, ça, c'est aussi un luxe que McLaren s'est payé en redevenant un top team. Parce que s'ils étaient toujours au niveau de 2022, bah, Norris et Piastri, ils diraient on s'en branle de vos consignes. Déjà, ils ne se battraient pas pour un titre mondial, ils seraient très loin. Et du coup, s'ils s'accrochaient, au pire, il y en a deux qui finiraient par partir et basta, tu vois. Et je pense que McLaren s'est payé ce luxe en remontant justement à son niveau. En même temps, Norris et Piastri sont tous les deux convoités par Red Bull, hein, parce que Marco les aime bien. Donc, on rappelle que Norris a failli être recruté deux fois par Red Bull. Alors peut-être par Horner, peut-être pas par Marco. Mais Piastri, il a bien tapé dans l'œil de qui reste à Marco. Donc, voilà. Voilà, il tape dans l'œil de tout le monde, hein, je pense. C'est ça. C'est ça, hein. Mais bon, c'est sûr que après, c'est un débat qui est... Alors, moi, peut-être que je me trompe, et peut-être que ça va ouvrir une boîte de Pandore, et que ça va déclencher une guerre qui va finir par... Je suis prêt à mettre 20 balles dessus, hein. Et ben moi, je suis prêt à mettre 20 balles sur le fait que ça va pas. Alors, il y aura peut-être des... Oui, j'en ai déjà... Je vous en dois déjà 20 balles. Ah oui, tu dois déjà 20 balles, donc. C'est vrai. Non, mais oui, mais justement, il faut bien relancer un pari. Non, mais pour moi... Mais pour les 20 balles que tu me dois, que tu m'as pas donné, je les remets sur... je t'en dois 40 sur le fait que... Je les remets sur le fait que ça pètera pour un problème de jugement de McLaren. Mais parce que c'est ça qu'il faut pas que ce soit juste un accrochage en piste. Même si ça pète, ça ne veut pas dire que McLaren avait tort là. Hein. Je veux dire, c'est ça. Non, là, c'est 50-50. De toute façon, si tu regardes les réactions sur les réseaux sociaux ou les consultants, ou même dans le chat, ou même nous, c'est 50-50 sur cette action-là de McLaren à Monza. Donc, on ne va pas rester encore une demi-heure de plus là-dessus. Mais, et d'ailleurs, je tiens à dire, parce que j'ai beaucoup salué le fair play de Norris globalement, parce que je pense que c'est un des pilotes les plus fair play du plateau. Néanmoins, bravo à Piastri qui, à chaud et sûrement avec un peu de déception, a été capable de dire que Norris avait dominé tout le week-end. Et après lui avoir donné l'aspiration, comme on l'a dit, en Q2. Donc là-dessus, on en revient pour moi à ce que a eu l'aspiration en Q2 a finalement des répercussions comptables. C'est ça. Prochaine fois, il va dire non, je suis pas là, je peux pas l'aider. Pourtant, Stella a dit, il aurait tout à fait le droit de dire non. Donc c'est vrai que. Oui, mais ça c'était bizarre par contre. Ça, j'ai trouvé cette déclaration très bizarre. Ouais. Stella qui dit Piastri aurait pu dire non à donner l'aspiration à Norris. Alors là, j'ai pas compris. Et il l'aurait compris surtout. Bah oui et non, parce que là pour le coup Norris était dans la merde entre guillemets, désolé pour le mot, mais tout seul quoi. Donc pourquoi Piastri irait l'aider, hein, surtout que son rival numéro 1, donc pour le coup mais je pense que là on en revient à ce que je disais, c'est que McLaren profite de tout ce qu'ils ont mis en place depuis ils ont de la chance que Alpine a bien éduqué Piastri, mais ils l'ont une fois qu'ils l'ont récupéré, ils en ont fait. Je serais d'accord avec toi si le titre constructeur était vraiment difficile à jouer, mais pour le coup ils vont l'avoir peut-être même des bas coups. Dans 15 jours, donc ouais, mais justement, pour le coup, que Norris soit dans la merde en Q2, bah écoute, je dirais Piastri, il en dirait, c'est pas le mien, hein. Mais on arrive quand même on va arriver gentiment où on y est, puisque 16 sur 24, on est aux deux tiers de la saison, et les pilotes sont encore assez fair-play pour s'aider mutuellement. Et je trouve que pour deux pilotes qui jouent un même titre mondial, je trouve que c'est ultra sain, et je trouve que bravo à McLaren d'avoir relevé le niveau, parce que pour moi, on n'a pas les trucs dégueulasses. En fait, on a des pilotes qui arrivent à lutter contre le titre, qui veulent lutter en piste, mais qui vont pas se faire des coups foireux, parce que le nombre de luttes, que ce soit Schumacher, Rosberg, même si c'était pas pour un titre, que ce soit Hamilton Rosberg, que ce soit Verstappen, à l'époque où il était avec Ricciardo, c'était pas pour un titre non plus, que ce soit Vettel, Weber, il y a toujours eu des coups foireux d'un pilote envers l'autre. Et là, on joue un titre mondial, il n'y en a pas. Et je dis bravo à McLaren. Imagine, on est à Abu Dhabi, il y a deux points d'écart entre Piastri et Norris, et la même situation. Ils font péter le moteur de Piastri. Voilà. C'est effectivement. Et que le titre se joue sur ça, alors là, je sais pas ce que je fais en fait. Je refuse de laisser passer Norris. Si ça se joue là-dessus, je dirais ils sont bien cons, ils l'ont bien cherché, mais je pense que. Non, mais si je suis Piastri et que ça se présente à Abu Dhabi, clairement, non. Je reste dehors. Clairement, je mets le moteur Renault derrière. Donc, ah oui, bah là après, s'il y a le titre. S'il y a le titre direct en jeu. S'il y a le titre direct en jeu, évidemment, ça change tout. Je suis même pas sûr que si. Alors, tu vois, je suis sûr que quand on arrivera dans les dernières courses. Oui, vas-y. Vas-y, non, je dis après, c'est très rare que les titres se jouent sur une polémique sur le dernier tour à Abu Dhabi. Bon, écoute, je sais pas si on met un PureTech 1 litre 2 dans la voiture de Piastri, peut-être un peu jaune. On s'est trompé. Par contre, si Stroll se crache à la fin de la course à Abu Dhabi et que la procédure safety car est pas respectée et joue le titre, là ça va m'agacer. Sinon, non, j'accepterai. Mais je vois pas à quoi tu fais référence. Moi non plus. Et je sais pas pourquoi je parle de Stroll d'ailleurs, le pauvre il a rien demandé. Néanmoins. Bon, après, il dit rien, alors on peut parler pour lui. Hein. C'est pas faux. Ici, la semaine dernière, il a demandé quand même, hein, ce crachant. C'est vrai. Vraiment bref. On fait 30 minutes là-dessus, mine de rien, quand même. C'est... Ah, mais c'est normal. En même temps, c'est le seul truc qui s'est passé. Après, ça va aller vite. Donc, y a pas de et ben, heureusement qu'on se remet pas à Abu Dhabi 2021, les gars. Parce que je pense qu'on passerait 3 heures. On avait fait une émission à l'époque. Hein. Mais en fait, je crois qu'on était tellement sous le choc du truc que c'était passé assez vite. C'est oui. Genre l'année suivante, c'était putain, mais en fait, c'est de la je merde. Je pense qu'on avait pas encore mesuré les conséquences du truc, en fait. Exactement. Les conséquences, c'était sur plusieurs mois. Et parce qu'on était d'accord. Oui. Oui, en fait, on avait juste jeté la FIA sous le bus et puis ça avait duré 5 minutes. Mais... Non, mais en tout cas, on peut quand même dire que l'écart se réduit de 34 à 31. Ouais. Ce qui reste insuffisant pour Norris à ça. Oui. Juste, les news sur Stroll, ça invente les déclarations. Alors, nous, non. L'équipe c'est l'attaché de presse. Voilà, c'est l'attaché de presse qui doit les inventer parce que si on écoute vraiment ce qu'il dit au micro, il y a eu 3 mots. Exact. Mais pour dire, il n'y a eu que 3 mots ouais. Dimanche. On en reviendra de toute façon. Et samedi, alors pour les coulisses, samedi, Franck m'envoie le lien de la vidéo de F1.com sur lequel il y a Stroll. Je lui fais le verbatim de la déclaration de Stroll qui était en fait une ligne et demie. Et là, je lui fais, il y a que ça. Et au même moment, on a reçu le communiqué de presse qui faisait 10 lignes. Et donc, on s'est dit, l'attaché de presse est très très bon. Très très bon. Je sais pas qui c'est qui est chez Aston. Mais en tout cas, ils ont réussi à bien inventer des propos que Stroll n'a jamais tenus. Donc voilà. Et c'est comme ça, tous les week-ends, ils ont l'habitude à force. Oui, bah oui. En tout cas, voilà. Donc, je regarde juste le chat parce que j'ai raté un ou deux trucs, je crois. D'ailleurs, on a déjà tout préparé pour Bakou, les gars. Tout est programmé. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont toutes ces déclarations jusqu'à la fin de la saison. De toute façon, c'est toujours les mêmes. Donc, Théo qui demande, c'est vrai cette histoire que Norris partirait si champion du monde ou rumeur? Alors, on en a parlé sur nos pages parce qu'il l'a dit en oui, conférence de presse, simplement. Non, c'est pas en conférence de presse. Non, c'est pas en conférence, c'est en interview, pardon. C'était une interview à un média anglais, je ne sais plus lequel. Il n'a pas exclu, quoi. Oui, il n'a pas exclu de faire une Rosberg, hein, c'est ça, clairement. Il a dit j'ai vécu tout ce que j'avais aussi à vivre. Si j'ai un titre, je ne l'exclus pas. Voilà. On n'a plus le temps pour un débat, mais un jour, il faudra qu'on fasse une émission. Est-ce que partir sur un titre est courageux ou lâche? Parce que ça, c'est un grand débat qui anime Internet aussi. Mais oui, c'est quelque chose qu'il a vraiment dit et que. Ouais, effectivement, ces pilotes-là, ils ont aussi beaucoup d'autres choses à vivre dans leur vie. Surtout, Norris, il a quand même aussi beaucoup d'autres activités, un peu comme Verstappen d'ailleurs aussi. Hein. Oui. Je serais pas hyper étonné que Norris parte sur un titre mondial. Je serais un peu plus que Rosberg quand même, parce qu'il est un peu plus jeune, on va dire, quand même, que Rosberg. Alors, Rosberg, c'est surprenant quand même. Et que si ça se passe bien, si ça se passe bien entre Norris et Piastri jusqu'au bout de la saison. Il n'y a pas de raison que pour des raisons X ou Y d'animosité ou autre, il fasse pas 2026, quoi. Oui, c'est ça. Il est champion du monde. Voilà. Donc, on a des saisons de 24 courses. T'imagines pas toute la force mentale. C'est épuisant. Rosberg l'avait dit quand il est parti, il avait dit qu'il était allé au bout et qu'il avait totalement délaissé sa famille pendant un an pour ça et qu'il voulait, il voulait pas le refaire. Je veux dire, Norris, c'est vrai qu'il a, il a l'air d'être aussi parfois un peu usé mentalement, hein. Quand même aussi, ça fait déjà cette saison. Ouais, c'est ça. Et puis après, les gens qui critiquent Rosberg parce qu'il est parti au sommet, je rappelle quand même que le mec a été retraité multimillionnaire à 31 ans sur un titre mondial en Formule 1. C'est pas ce qu'il en a vu de pire comme plan de carrière face à Hamilton en plus. Oui, je serais pas dégoûté de cette situation. Moi. Ouais, non, ça va, hein. Franchement, je pense qu'il le vit plutôt bien lui. C'est ça. Avant la retraite, faut d'abord être champion du monde. Ouais, oui, évidemment, sinon. Est-ce qu'il a cotisé pour les retraites à la Gircarco? Je pense qu'il avait ses trimestres. En vrai. Ah non, les trimestres, non. Hein. Tu peux gagner 150 millions sur un trimestre. Ouais, il faut faire tes 43. Je pense qu'il avait, il avait mis ses trimestres de côté. Je sais pas comment c'est à Monaco, mais bon, voilà. En tout cas, voilà. C'est pour ça qu'il faut revenir à Alonso parce qu'il pense qu'il faut qu'il s'en aille à 62. On lui a pas dit. Personne lui a dit. Oui, Fernando, tu n'es pas concerné par ces décisions-là. Allez, contexte Dani, très juste, dit Massa veut être champion du monde après sa retraite. Lui, c'est encore plus fort. très juste. Je pense qu'on peut fermer ce débat, ma foi, fort animé. Et ouvrir Ferrari. Alors Ferrari, on va laisser Franck parler, parce que tu n'étais pas là la semaine dernière pour parler de leur Grand Prix des Pays-Bas. Mais effectivement, alors, Et moi, je tiens juste à souligner avec leur quatrième et leur sixième place, quatrième et cinquième en qualification, Hamilton avait été pénalisé de manière injuste pour un truc arrivé avant la course à Zandvoort. Moi, je trouve ça, c'était vraiment n'importe quoi. Comme l'a dit Fred Vasseur, concrètement, là où c'est mitigé, c'est qu'ils sont plus près de McLaren, mais malheureusement, quelqu'un a fait mieux que McLaren, et du coup, bah, pour eux, c'est toujours une place pas loin du podium, mais pas sur le podium. Et à Monza, c'est un peu triste, mais ça n'empêche, pour moi, c'était pas un mauvais week-end de la Scuderia Ferrari. Non, non, en plus Leclerc joue quasiment la pole position en plus hein, en Q3. Hein, il est deuxième à un moment, je crois, après son premier run. Il se fait finalement repasser par les deux McLaren après les deuxièmes runs en Q3. Oui, les tifosi, ils ont un petit peu rêvé comme de la pole position de Leclerc, au moins d'une première ligne. Donc c'était pas si mal que ça, hein, je veux dire, pour en termes de performance, pure en tout cas sur un tour. Hamilton aussi était plutôt dans le coup, plus à l'attaque, oui. plus libéré, on le sent. Voilà, c'est vraiment le mot qui est ressorti un petit peu, c'est que voilà, il décide d'arrêter de cogiter un petit peu sur ses soucis et de plus libérer un petit peu son pilotage. Et ça s'est ressenti déjà dans l'ours, hein, c'est clair. Mmh. Et à Monza aussi, voilà, bah, quatrième et cinquième sur la grille du coup en performance pure, assez proche finalement parce que bah, la grille était extrêmement serrée. Entre la Red Bull de Verstappen et les McLaren. Maintenant, effectivement, rythme de course, bon, ils ont essayé d'y aller un petit peu trop fort, ils ont un peu surchauffé les pneus en début de relais. C'est ce qui leur a coûté un petit peu d'être décroché assez rapidement, en tout cas pour Leclerc. Par contre, Hamilton fait quand même une belle remontée, parce qu'on sait qu'à Monza, c'est pas forcément évident avec les trains DRS de remonter plusieurs places. Il remonte comme de la 10e à la 6e place. Son objectif, c'est la 5e. Donc, il n'était pas si loin de ça. Il pense que en undercutant Russell, il aurait peut-être pu réussir à avoir la cinquième place. Après, ça ne s'est pas joué à grand-chose non plus. Mais en tout cas, on a sorti un Hamilton plus libéré, plus détendu. Ce qui a été souligné par Vasseur aussi, clairement, en termes d'approche, en termes de pilotage. Mettant un petit peu, voilà, comme il dit, ses problèmes de juillet de côté, ses problèmes autant de déclaration que de confiance en soi. Voilà, il n'est pas encore à 100% de la SF25, mais Hamilton est quand même plutôt. Voilà, il dit quand même qu'il l'apprend, qu'il la manie de mieux en mieux. Donc, intéressant de voir ce qu'il pourrait en faire sur la fin de la saison. Maintenant, voilà, comme le dit Leclerc, donc là, je refite sur Leclerc. Quatrième, il n'aurait pas pu faire mieux de toute façon. Voilà, clairement, le podium pour les tifosi, c'était pas réaliste. Mais voilà, le souci, c'est où est-ce que Ferrari pourra avoir. Cette possible victoire ou au moins d'autres victoires, enfin au moins une première sur les grands prix qui restent, sur les 8 grands prix qui restent. Et comme il l'a dit, c'est que pour l'instant ils sont pas au niveau des McLaren clairement, et parfois même aussi de la Red Bull. Et si Red Bull commence un peu à libérer Max Verstappen dans ses ressentis, dans ses retours d'information, dans ses réglages et dans la correction du comportement, on pourrait très bien avoir Verstappen qui continue à perturber le duel pour le championnat du monde en tête entre Piastri et Norris, qui enlève aussi une possibilité en plus pour la Scuderia de remporter l'un ou l'autre Grand Prix d'ici la fin de la saison. Donc est-ce que Ferrari fera Fanny d'ici la fin de la saison? La question reste posée. Ça reste assez possible malheureusement. Donc on voit clairement que la Ferrari marche bien sur les circuits rapides. Donc Bakou, Singapour, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi très bien fonctionner pour la Red Bull aussi. Donc voilà, il faudra réussir à trouver les bons compromis, les bons réglages, alors que plus aucune équipe n'apportera de développement sur les 8 dernières courses, à part As, qui nous sortira une évolution à Austin, allez comprendre pourquoi. Ça va être quand même assez compliqué pour la Scuderia. Là, le but pour eux, je pense vraiment que ça va être de préserver la deuxième place du championnat constructeur, même si ça leur coûtera un peu de temps en soufflerie en première partie de saison l'année prochaine. C'est vraiment l'objectif numéro un en termes de d'image donnée aux fans. Voilà, la meilleure des autres, c'était Ferrari cette année, c'était pas Mercedes, c'était pas Red Bull, parce que même si les résultats fluctuent beaucoup entre les grands prix, je pense que pour Ferrari c'est quand même important de montrer ça, mais ça serait quand même bien de le montrer avec une victoire, parce que Red Bull ils ont quand même marqué 3, ouais. Et Mercedes une. Moi, je rappelle que l'an dernier, c'était victoire de Leclerc à Monza. Moi, je trouve qu'en fait, ce problème, c'est qu'on chez Ferrari, cette saison, on est arrivé à se satisfaire d'un Grand Prix où on finit 4 et 6. Et c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que les deux pilotes ont fait du mieux possible. La mauvaise nouvelle, c'est que Ferrari a atteint son plafond en étant la troisième force, ce qui reste suffisant par rapport aux attentes globales. Donc, ça dépend comment quoi. Si on le voit sur la course en elle-même, c'était pas mal. Effectivement, encourageant, notamment du côté d'Hamilton. Mais pareil, le tableau d'ensemble de cette saison, bah, il est pas catastrophique, il demeure décevant. Pour moi, ça reste un grand prix décevant. L'Italie de la Scuderia dans cette saison-là. Quoi. Je pense que s'ils n'avaient pas deux pilotes au top, ouais, ils seraient quatrième clairement au classement. Hein, parce que la voiture est quand même, la voiture est pas mauvaise, mais à chaque fois, elle n'a pas ce truc. Mmh. À chaque fois qu'elle est bonne, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux. Quoi. Alors, évidemment, souvent McLaren, mais aussi derrière, entre Red Bull et Mercedes, il y a quand même souvent une équipe qui fait mieux qu'eux. On voit souvent Russell se glisser devant eux, on voit souvent Verstappen se glisser devant eux. Et c'est ça qui est un peu frustrant, je trouve. Après, Bakou, ça peut profiter à la Scuderia. C'est un circuit. Leclerc, il est extrêmement performant. Il a empilé les pôles. Leclerc qui empile à Bakou, on peut être toujours optimiste pour une victoire. Mais ça n'empêchera pas qu'on aura un goût de gâchis ou de déception. Mm. Enfin, évidemment, on en attendait plus et du coup, on en attend encore plus. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas vous contredire là-dessus. Effectivement, par contre, la livrée spéciale était incroyable. Oui. Ouais, c'était voilà. Super beau. Autant je suis très souvent difficile en livre spécial, autant celle-là, 100%. C'est vrai que le logo HP, je suis d'accord, il gâche un petit peu, mais bon, au bout d'un moment, c'est le sponsor-titre aussi. Donc, c'est ça. Il faut faire avec. D'ailleurs, le bleu des t-shirts et polo Ferrari sortis pour l'occasion a un petit peu choqué les fans quand même. Ils s'attendaient plus à un truc spécial sur le rouge, et finalement, c'est du bleu qui est sorti. Autant le bleu à Miami ne me choque pas, autant je trouve qu'effectivement, peut-être pour sortir des tenues streetwear en bleu pour Monza. Ouais, même Hamilton. J'ai vu quand même pas mal de gens grincer des dents sur les forums et sur les réseaux. Hamilton a dit je suis content de faire mon premier Grand Prix en rouge. Et il a dit c'est dommage, on est en bleu, mais je suis quand même en rouge. Et il y a un petit truc. Enfin, il a pas dit c'est dommage, mais il a dit je suis en bleu. Il a l'air de dire bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu. Je comprends que les tifosi se sentent un petit peu floués, on va dire, mais. Ouais, voilà. Après, là, c'est peut-être pour le. Comment dire? Pour l'acclimater à son futur baquet chez Williams, non? Ça, c'était drôle. Et bravo à Leclerc et Hamilton qui ont fait un hommage aux deux différents casques de Niki Lauda. Oui. Leclerc a son premier casque et Hamilton second avec le logo de Lauda Air. Voilà, c'était très bien. Et la combi était toujours rouge, évidemment. Là-dessus, rien à dire. Oui, c'était cool, streetwear qui était bleu. Absolument. Précisons. On va passer chez Mercedes. Mercedes, Russell termine 5e, Antonelli termine 9e après un nouveau week-end compliqué, une séance d'essai libre 2 gâchée au bout de 4 tours par une sortie de piste. Malheureusement, il y a on débriefe pas Monza 2024 là. Ah oui, pardon, c'est bien ça. Alors justement, j'en viens directement. Allez, j'attaque directement par une saillie sur Toto Wolff parce que j'aime bien Toto Wolff, mais quand il dit, il a commencé à dire un peu du mal d'Antonelli. Factuellement, les résultats sont décevants. Et il dit, il a été décevant, etc. Et il dit, on en a trop fait autour de lui. Il y a eu trop d'attentes. Et là, je serais tenté de dire, Toto, il faut peut-être penser qu'il y a un an, Antonelli a fait un tour et demi avant de foutre la voiture, avant de tanker la voiture dans les graviers, et il a réussi à nous tenir 2 semaines sur le tour et demi d'Antonelli, qui était incroyable, qui était exceptionnel, qui avait convaincu toute l'équipe. Bah, il continue, là. Oui, d'ailleurs, il en a reparlé, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Je veux dire, Toto Wolff est le principal responsable des attentes trop élevées autour d'Antonelli. On est tous d'accord sur le fait que c'est un excellent pilote, qu'il a il est incroyable en termes de potentiel, mais si les attentes sont aussi élevées, c'est de la faute de Wolff. Et là-dessus, je trouve que c'est un peu audacieux de venir derrière nous dire on en a trop fait. Parce que franchement, quand on dit on, c'est tu en as trop fait, Toto. Clairement, alors la saison de F2 qui était moyenne, je maintiens, enfin, Sobratien Eliquette, mon avis, je le réserve un peu parce que la F2, c'est très compliqué de jauger. On l'a vu ce week-end encore. Hein, ouais, la F2, catastrophe au départ, c'est plateau c'est niveau bas. Plateau c'est niveau bas, et puis les voitures sont quand même. Il y a quand même des choses qui se disent sur les voitures qui font qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Sef Hadjar qui avait perdu, selon les calculs de Marco, 80 points avec des moteurs mécachrome qui. Voilà. Les moteurs sont pas fiables. Joshua Dersen a une voiture qui roule 10 km/h plus vite que les autres. Il faut se poser des questions au bout d'un moment quand c'est une formule de promotion avec un truc unique. Mais comment la voiture, Joshua? Joshua Dersen, le pilote, un pilote des pilotes. Et voilà, en tout cas, donc voilà, dire à Toto Wolff, avant de commencer à dire les gens en font trop, il faut peut-être se rendre compte que c'est peut-être toi qui en as fait trop fait. Et au demeurant, effectivement, c'est un week-end encore très décevant pour Antonelli. Alors là, quand même. Pour dire quand même que Antonelli, il finit à un demi-dixième de Russell en Q3. Donc ça, c'est quand même le côté positif. Oui. Et effectivement, le reste, un départ raté, un crash en L2 qui bouffe tous ses longs relais avec des conséquences très claires en course. Donc effectivement, ça restait très décevant. Et pour moi, l'événement, c'est qu'effectivement, Toto Wolff a pour la première fois critiqué en public Kimi Antonelli. Et à mon avis, c'est la Oui. bonne chose à faire parce qu'Antonelli, on peut dire ce qu'on veut, mais il s'est excusé à Zandvoort juste après. Enfin, lui, c'est lui qui est le premier conscient de ses limites. Hein. Il n'est pas du tout dans la méthode Coué, c'est moi qui ai raison, enfin, c'est pas ma faute. Là, pour le coup, je pense qu'il a d'abord une attitude. A-t-il été titularisé en entretemps? On aurait tendance à le dire. Bortoleto aussi fait des erreurs au début de saison, mais là, il a passé un cap. Ce n'est pas le cas d'Antonelli. Adjar aussi. Adjar, oui, évidemment, on ne parle pas d'Adjar qui a encore fait une course magnifique. Donc, c'est aussi cette Mercedes qui est devenue plus rétive à conduire, peut-être également. Voilà, alors le choix de Toto Wolff se comprend, hein, c'est-à-dire vu qu'on ne jouait pas le titre cette année, autant le titulariser pour gagner un an, parce qu'évidemment, ce n'était pas son plan initial de titulariser Antonelli dès cette année avec le départ de bonne surprise. Donc, voilà, pour moi, ce n'est pas des erreurs encore rédhibitoires, c'est peut-être salutaire que Toto Wolff le critique un peu en public. Il faut aussi qu'Antonelli se déstresse un peu. C'était quand même mieux géré ce week-end à Monza qu'à Imola, où ça avait été la catastrophe. Vidé mentalement. Voilà, moi je persiste à penser quand on dit fan de champion, ça, pour moi, il n'y a pas de doute, mais voilà, attention à pas gâcher son talent. Et voilà, effectivement, Toto Wolff, on voit un peu ses limites dans le management de jeune pilote, pas habitué à les titulariser, et on voit que c'est quand même compliqué. Clairement, clairement, c'est après c'est la F1. C'est vrai que je pense que ça peut payer s'ils arrivent à leur donner confiance. Ça peut payer de l'avoir titularisé cette année pour justement qu'ils soient prêts en 2026. Là-dessus, je pense que le plan était pas mauvais. Je pense juste vraiment que pour moi, et ouais, effectivement, il y a le syndrome Verstappen qui a pas pu signer, que Antonelli était signé très vite par crainte de le perdre. Sauf qu'Antonelli était déjà membre de Mercedes et je pense qu'il n'y avait pas de risque de le perdre. Néanmoins, je pense surtout que effectivement, il y a eu une précipitation en disant, en fait, de la part de Wolff uniquement, en faisant déjà d'Antonelli le nouveau Verstappen, alors qu'en fait, on n'avait rien qui faisait ça. Et on n'avait même pas de certitude que c'était le nouveau Russell, parce que Russell a toujours dominé. F3, il est champion rookie. F2, il est champion rookie. Alors, Antonelli fait pas la F3, il passe de l'Africa à la F2, mais le saut avait déjà été grand. On voyait qu'il y avait quand même, Oui. il y avait quand même un truc qui montrait qu'il était un peu perdu en F2. Et pour moi, c'était sûr que la F1 allait être compliquée. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien qu'en début de saison, il y a des gens, et peut-être même dans cette émission dans le chat, qui disaient que Antonelli allait détruire Russell, etc. Et moi, j'ai toujours dit, Antonelli, on arrivera à la fin de saison, il sera nettement derrière Russell. Et c'était sûr et certain parce que la marge d'avant était déjà grande. Ça veut pas dire qu'il fallait pas la franchir parce que c'est des pilotes qui sont très très bons, conditionnés depuis très longtemps, à qui on donne beaucoup de clés pour y parvenir. Il a fait quand même 9 000 km l'an dernier en essai privé, c'est pas perdu. Il aura une saison dans les pattes qui sera pas perdue l'an prochain. Seulement aujourd'hui, Toto Wolff doit effectivement, et là je pense que c'est une bonne idée, je te rejoins Alex, arrêter de protéger Kimi, arrêter de dire la semaine dernière pour moi son commentaire où il dit. On veut qu'il fasse des erreurs. Ce commentaire-là, il le corrige tout de suite, mais ce commentaire-là, pour moi, il est inacceptable de la part d'un dirigeant qui, en plus, a gagné plusieurs titres mondiaux. On ne peut pas vouloir qu'un pilote fasse des erreurs, même s'il est jeune. On dit, on l'a signé, on accepte qu'il en fasse. Ok, ça, c'est ce qu'ils avaient dit l'an dernier, c'est ce qu'ils ont dit en début d'année, et là-dessus, ça, je comprends. Mais on ne peut pas dire, on veut qu'il fasse des erreurs, alors que le mec vient d'harponner une Ferrari. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est bien qu'il y ait ce changement de ton chez Wolff, ne serait-ce que pour. Pas, je pense qu'en interne, Kimi est totalement conscient de ses défauts, comme tu disais. Et je pense qu'en interne, il n'est pas mis sur un piédestal. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on arrête. En fait, il faut que Wolff fasse redescendre la pression qu'il a mise tout seul. Et là-dessus, je pense que c'est le moment de le faire. C'est ce que je voulais rajouter en fait, c'est que j'ai fait comme une petite étude ce soir de la couverture médiatique qu'a Antonelli, notamment en Italie. Et franchement, il n'a pas vraiment pas beaucoup de pression ou d'articles ou de choses comme ça contre lui ou ce genre de choses. C'est vraiment Wolff lui-même qui met la pression, autant après Zandvoort qu'après Monza, sur les erreurs d'Antonelli. Je dirais, il n'y a pas eu beaucoup de médias, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être que vous allez me corriger, mais je n'ai pas vu beaucoup. J'ai pas vu la Gazzetta, par exemple, ou le Corriere, ou d'autres, mettre la pression sur qui il est, comme Wolff l'a fait. Je veux dire, on dirait même qu'il s'excite tout seul, Wolff, sur le cas d'Antonelli. Il n'y a personne dans les médias. Non, non, mais. Non, mais en bien comme en mal, en fait. Enfin... Non, mais a, voilà, c'est ça. En bien comme en mal, il n'y a personne qui s'est vraiment. Voilà, qui a mis la pression, une pression énorme sur Antonelli dans la partie médiatique, en tout cas. Non. Qui a cherché à détruire Antonelli ou à l'encenser. Dans les deux cas, c'est. Voilà. C'est vraiment que Wolf qui, pour le coup, même sur ce coup-là, je veux dire, même sur après Monza, je trouve que ces déclarations sont hyper fortes, alors que je n'ai vu aucun article de presse. Aucun article, notamment dans la presse italienne, détruisant non, Antonelli. Oui. Parce que c'est Ferrari qui écrase tout l'Italie, et Antonelli est moins italien que Ferrari. Quoi. Donc Wolf lui donne beaucoup plus d'importance qu'il n'en a, même dans ses erreurs. Je trouve ça grave, il met lui-même la pression sur son propre pilote. Non, complètement. Antonelli est moins italien que Vasseur pour la presse italienne. C'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment. Federico Vasseur, d'ailleurs. Non, et voilà, et je pense que la hype. Là, et Antonelli pour Toto Wolff, elle s'explique aussi par ses résultats en quartier, qui est quand même exceptionnel, champion d'Europe 2020-2021. Après, il enchaîne deux titres en Formule 4 italienne, Formule 4 allemande, première saison en Formule 4, titre. Il y a de quoi être hypé quand même hein, sur le papier. Hein. Mm. C'est ça qui rend Antonelli exceptionnel. Je vous rappelle, voilà, il a été champion d'Europe en karting. Il avait, je crois, 13 ans et demi, 14 ans. Voilà. Ouais. Il a été nommé pilote Mercedes en 2021. Alors qu'il avait 15 ans. Donc, il est 2 ans plus jeune que les Berman, que les Bortoletto. Hein, donc, c'est ça qui joue. Hein. Vraiment, hein, il est 2 ans plus jeune que Bortoletto. C'est un quart de sa carrière en place. Quoi. Mm. Et Rotter dans le chat nous dit, en critiquant publiquement, Wolf met une grosse pression, ça ne peut être que négatif. Je ne pense pas, parce que, en fait, ce que Wolf va essayer de faire, à mon avis, maintenant, c'est de faire en sorte que les gens lui parlent moins d'Antonelli, pour que, globalement, les gens parlent moins d'Antonelli. Parce qu'en fait, comme tu dis, Franck, il s'excite tout seul dessus, donc en fait, personne ne veut forcément en parler, mais lui, il dit, regardez, du coup, tout le monde se tourne vers lui, et en fait, au moment où les gens tournent la tête, et ben, Antonelli, un coup, il est dans un bac à gravier, un coup, c'est il est ça. Dixième, un coup, il est machin, et du coup, tout le monde dit, ouais, bah à côté de ça, il y a Bortoletto qui fait des points avec une Sauber, il y a Adjar qui fait un podium, il y a machin. Et tout le monde se dit ouais, bon bah Antonelli en fait, il y a que faut maintenant et donc là forcément, la communication a déjà switché vers quelque chose de négatif parce que Wolff a été trop positif. Et en fait, il faut faire machine arrière, la meilleure manière de faire machine arrière, c'est de lui-même redescendre les attentes en disant voilà, Mercedes n'attend rien d'Antonelli pour l'instant, on est déçu. Mais on fait profil bas. Et on espère que McLaren continue à faire n'importe quoi sur certains week-ends, je sais pas quoi, va faire des consignes qui font débattre, comme ça on oubliera un peu Mercedes, qu'il se passe des trucs chez Ferrari, comme ça on oubliera un peu Mercedes, et puis on va essayer de glisser comme ça, et de faire en sorte que Antonelli ne soit plus un sujet, parce qu'en fait, c'était pas un sujet, et le fait qu'il soit débutant et un peu en difficulté, surtout qu'en fait, encore une fois, on l'envoie face à Russell, qui est vraiment un pilote exceptionnel, c'était sûr que ça allait pas être parfait et il fallait pas mettre des attentes là-dessus. En revanche, contre les amis, je pense pas qu'il va s'inspirer de Horner. Je pense qu'à mon avis, il va faire confiance à Antonelli. Que même si, et je n'y crois pas, il devait l'enlever de la F1 une année, il le remettrait après. Mais pour moi, il sera encore chez Mercedes l'an prochain avec l'espoir que justement tout soit réglé et que ça reparte sur un bon pied. Même peut-être d'ici la fin de saison. Après, Antonelli, je pense qu'il a déjà fait un podium et à mon avis. Un bon résultat et c'est reparti. Hein. La machine n'est pas cassée. Hein. Et Paul sprint, victoire aussi. De quoi ? Non, il est aussi sprint. Hein. Paul. Oui. Paul est victoire dans un sprint. Paul dans un sprint. Non, Paul, oui. Parce que justement, il avait fait une erreur au départ. C'était foiré. Mais voilà. Mais oui, non, mais il y a eu une Paul au sprint. Il avait fait une belle qualif à Miami. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont été très bonnes chez Antonelli. Et il n'a pas de bol parce qu'en plus, il est dans une saison où Russell l'a dit ce week-end. Il ne comprend pas comment d'un coup Red Bull est 40 secondes derrière puis 20 secondes devant pendant que Mercedes fait l'inverse, etc. Donc en fait, Antonelli, il n'a pas de bol. C'est que déjà, de base, il y a énormément de variations. Et lui, subit ça, comme tous les pilotes. Sauf que quand tu compenses pas certains trucs ou quand tu fais pas le maximum à chaque fois, c'est encore pire. Et vu qu'il est à côté d'un équipier qui lui fait le maximum à chaque week-end, c'est un peu encore, enfin l'écart est plus grand quoi. Lord Phoenix dit, est-ce que le principal problème d'Antonelli n'est pas de débuter dans un top team? Un petit peu, mais en fait je pense que le principal problème c'est juste les attentes qu'on a mis autour de lui alors qu'il n'y avait pas besoin. Mercedes jouait pas le titre cette année, ça servait à rien de dire oh là là regardez on a un nouveau pilote, c'est incroyable quoi. Et sinon Mercedes, George Russell pas grand chose à dire et puis je sais pas si vous avez un quelque chose à dire sur la course de Russell ou sur le résultat global de Mercedes, à part que c'est aussi un petit peu décevant, je trouve, par rapport à ce qu'a fait Red Bull. Bah oui, pareil. Oui, oui. Bah, c'était la quatrième force. Et Russell, bah, impeccable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et il voulait les médiums en Q3 et il a déploré une erreur de communication. Hein, c'est pour rester poli oui. Avec, avec son team. Bon, ça montre aussi que voilà, on parle sur vente. Et voilà, encore une fois, si c'est ça, si c'est arrivé entre Leclerc et son ingénieur, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? C'est clair. Donc ça montre qu'il y a des erreurs un peu partout et que c'est aussi chez Ferrari qu'on les met davantage en valeur. Sinon, c'était bah, Mercedes et la quatrième force. Décevant. Là aussi, je pense que l'avantage de Russell, c'est qu'il a une bonne communication avec son ingénieur et directement, il lui dit pas j'avais demandé des médiums, il dit je croyais avoir demandé des médiums et tout de suite, il y a un truc différent. C'est vrai que Leclerc a tellement pas été écouté pendant des années que maintenant, quand il a besoin de se faire entendre, il rentre un peu dans son ingénieur et je lui en veux pas du tout parce que il a assez bien assez pris sur lui. Mais je pense que ça joue aussi pour que derrière, il ait cette impression de que ce soit plus cool chez les autres en fait. Pourquoi il voulait des médiums en qualif? Il se sentait mieux à l'aise en fait, tout simplement. Il arrivait mieux à les mettre. Et je pense que c'était des pneus globalement avec lesquels il pouvait plus s'attaquer sans risquer de surchauffe, sans risquer de d'être un peu. Bah, d'ailleurs, on peut quand même dire que Pirelli n'a pas réussi son coup parce que c'était pas ce qu'on attendait de la sélection de pneus de pouvoir faire quasiment toute la course en médium. Ce qu'ont fait les McLaren. Hein. Ouais. Il n'y a pas eu d'usure de pneus et ça a joué aussi dans le fait que la course a été monotone. Oui, finalement, donc là, Pirelli, ouais. Pour le coup, ils auraient pu faire du bien hein, finalement, mais ils ont été trop conservateurs. Le problème en fait du cran plus tendre, c'est que ce qu'ils ont expliqué, c'est que la gomme aurait été détruite par les vitesses de pointe en fait. Elle n'aurait pas supporté la vitesse. Donc, c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que l'année prochaine, parce qu'on parlait de vitesse de 400 km/h pour les F1 2026. Ce serait des choses que vous ne verrez jamais parce que les pneus non plus ne pourraient pas les supporter. La vitesse de rotation ferait qu'ils se désintégreraient à vitesse grand V, pour ne pas dire directement avec des telles vitesses de pointe. Donc les gommes les plus tendres de Pirelli, donc le C6 pour le coup, qui était à Monaco, ne peut pas supporter 370 km/h de pointe. Donc malheureusement il faut faire avec. Hein, voilà, on peut pas avoir non plus des pneus adaptés à chaque phase du championnat. En termes de coûts, en termes de logistique, ça se comprend aussi. Mais bon, après, voilà, le coût du un arrêt réussi par Leclerc l'an dernier a, je crois, a remis tout le monde d'aplomb sur le fait qu'il fallait faire un arrêt et pas deux à Monza. Ouais. Et la surprise a fonctionné une année et pas deux. Même Lawson, qui est parti en tendre, a fait un arrêt. Donc c'est bien que. C'est ça. Putain, il y a même pas. En fait, Pirelli a mis deux stratégies à un arrêt et deux stratégies à deux arrêts dans leur prédiction. Mais... deux arrêts n'étaient pas envisageables, sauf s'il y avait eu vraiment des gros rebondissements. Ils se demandent comment Pirelli, s'il y a les pneus fabriqués, si on n'a toujours pas un règlement moteur de l'an prochain. Bah, c'est là, tu en reviens à tout le problème de Pirelli. Hein. On leur demande de faire des pneus parfaits avec un cahier des charges qui est très difficile à tenir en termes de timing et de d'obligation. Exactement. Les mulets ne sont pas du tout représentatifs. En plus, on roule sur des voitures cette année. Sauf celui de Bottas. Oui, parce qu'il s'accompagne d'une moustache, c'est pour ça. C'est ça. Voilà, donc effectivement, c'est tout le problème de Pirelli. On va passer à Williams. Alors, Williams, c'est un peu un week-end inverse d'Antonelli, c'est-à-dire que tout s'est bien passé sauf la qualif. Un très très bon vendredi où ils étaient dans le top 5, un samedi où ils sont en 7ème ligne. Et un dimanche où Albon remonte et puis explique que bah ça allait très très bien et que tout roulait comme il fallait. Donc là encore, une Williams qui est toujours très bonne à Monza hein, globalement, c'est quand même un circuit où ils sont très souvent en bonne performance. Sainz termine 11e après une course plus brouillon, mais voilà, c'est une qualif décevante. Oui, parce qu'ils ont toujours des problèmes à chauffer les pneus. Et apparemment, c'est leur problème récurrent. Effectivement, qui leur flingue les qualifs alors qu'on attendait quand même plus. Sainz se qualifie juste devant Albon et encore une fois en course les fortunes s'inversent un peu parce qu'Albon a passé toute le premier relais derrière Sainz alors qu'il partait en dur. Bon, et Sainz en médium, ce qui pouvait se défendre, et Albon volait en dur. Hein. Ouais. Et il avait un rythme extrêmement solide. Il a effacé Bortoleto, il a effacé Antonelli. Voilà, donc c'était vraiment une course très très solide. Albon qui passe devant d'ailleurs Antonelli au classement pilote. Alors il fait toujours des débriefs très intéressants sur F1 TV parce qu'il quand il donne les points il interview à chaud et il a toujours une analyse de course qui est phénoménale. Alors là-dessus Ça, pour moi, c'est un des pilotes les plus techniques du plateau parce que vraiment, il comprend tout ce qui se passe dans sa voiture. Il a dit hier, donc c'est sa descente de voiture, quand les pneus étaient très chauds, la voiture fonctionnait, ce qui est fou. Donc en gros, c'est pour ça que ça marchait en piste, en course, parce qu'il était dans le peloton, les pneus surchauffaient un peu, et en fait, c'est là que la voiture fonctionnait très bien. Et il a dit qu'en gros, il était dans le rythme des Mercedes, des McLaren et des Ferrari. Et ça, c'est vrai, hein, il était dans le rythme des leaders à un moment avec ses pneus durs usés. Et il a expliqué en fait que la dégradation était négative, c'est-à-dire que en fait, malgré le fait que la voiture se dégradait, enfin que les pneus se dégradaient, la voiture rentrait dans une meilleure fenêtre et que avec le carburant en moins, et ben en fait la voiture était de plus en plus rapide. Donc c'est pour ça que sa course a été super bonne et de mieux en mieux parce que justement il était dans une fenêtre de dégradation qui était finalement une amélioration de sa voiture, ce qui est assez improbable. Ça montre aussi qu'il y a des problèmes sur la voiture, la manière dont elle fonctionne. Néanmoins, ça a très bien fonctionné pour sa course. Encore une fois, hein, c'est le pilier. Et puis Williams, c'est très bien parce qu'il marque plus de points que tous leurs concurrents pour la cinquième place. Surtout Aston Martin qui ne marque pas de points. Mais ça montre aussi que Sainz, ça continue à être compliqué. Et il a dit hier carrément que c'était déprimant comme saison, puisque ça, rien ne s'est passé bien pour lui. Il n'était pas favorisé par la stratégie d'abord, et ensuite il y a cet accrochage avec Biermann. Biermann a été pénalisé de 10 secondes. Après, sentir bien Sainz quand même. Moi je trouve que Biermann, en tout cas 10 secondes, c'est trop. 2 points de pénalité, surtout, c'est beaucoup. Ouais. Et puis Sainz prend peut-être des risques aussi lui-même. Moi j'allais dire, est-ce que la FIA n'est pas. Je laisse finir Alex, parce qu'après je demanderai à Franck, du coup, vu qu'il a l'air d'avoir le même. Non, mais vas-y. Ouais, en gros, c'est que est-ce que la FIA, avec son truc de le pilote qui est devant a tous les droits, est-ce qu'on n'en vient pas à des abus tels que Sainz qui se rabat complètement comme si Berman n'existait pas et se fait reponner? Bah ouais, un peu, peut-être, oui. C'est ça. Moi je pense que. Sainz avait largement la place de laisser de l'espace à Berman pour le coup. Il l'avait vu, clairement. Berman, c'est pas comme s'il y avait juste son aileron avant qui était au niveau du frein arrière, il avait beaucoup plus que ça. Ouais. Clairement, pour moi, la faute c'était 50-50 sur ce coup-là, au mieux, mais pas tout pour Berman. En tout cas, pas 10 secondes pour Berman, et en tout cas, pas 2 points de pénalité. Et c'est Sainz la semaine dernière qui critiquait cette même règle, hein, et là il a rien dit pour le coup. Bah oui, exactement. Mais c'est vrai qu'on a vu tous les pilotes quand il y avait des côte à côte enrouler le virage, tirer un peu plus loin et tout. Lui, il tombe comme s'il était en tour qualif, quoi. Enfin, moi j'étais vraiment j'étais surpris de l'issue du truc. Donc voilà, mais bon, après je trouve que ça montre aussi à quel point il est en difficulté Sainz, parce qu'il est vachement brouillon et puis voilà, il est désespéré de marquer des points en fait, et il en vient à, alors c'est sûr que sa pénalité à Zandvoort elle lui a pas plu, mais à Zandvoort c'est lui qui va un peu au contact aussi, hein, parce qu'il braque un peu plus où Lawson tire un peu à l'extérieur. Et voilà, et c'est compliqué. Alors, tu dis désespérant en qualif, Xuan Slay se qualifie devant Albon, hein, c'est pas la qualif, elle est pas mauvaise par rapport à celle de Albon. Non, elle est bonne. Ah oui, en gêne des autres, oui, bah ça après, bon, ça c'est sa spéciale depuis longtemps, mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Et est-ce que toi tu penses, Franck, que Sainz peut quand même renverser la situation, ou maintenant déjà tu penses que ça va être compliqué pour lui chez Williams face à un Albon qui le domine presque de plus en plus? Oh, c'est compliqué ta question là. Ah bah c'est pas que du c'est Camoulox là même, j'ai envie de te dire. Je suis pas dans la tête de Sainz, mais clairement il a l'air d'en avoir un petit peu marre de cette saison quand même. Je sens que il a pas signé pour 2025 lui. Hein. Enfin, si, il a signé pour 2025 pour rouler en 2025, mais il a signé pour le projet 2026 et pour la suite. Donc clairement cette saison là c'est un petit peu la saison bonus entre guillemets dans le sens opérationnel, apprentissage. Méthode, procédure, tout ce que tu veux dans ce sens-là. Ça n'empêche pas qu'un pilote reste un pilote et veut signer de bons résultats quand une course se présente à lui. Donc il est extrêmement frustré quand même par ça, c'est clair. Je sens qu'il n'est pas sur le point de tout renverser, parce que c'est pas le genre de Carlos. Carlos est quand même assez mesuré, même si dans ses déclarations, dans ses petites piques qu'il peut lancer comme de temps en temps à l'équipe. Rarement à James, vous l'aurez remarqué, c'est toujours plutôt à l'équipe qu'à James. Il en a vraiment un petit peu marre. Clairement, chaque fois, c'est ou de la malchance, ou ça va pas dans son sens, ou il y a un truc qui va pas, ou c'est les pneus qui sont pas dans la bonne fenêtre, etc., etc. Alors que Albon s'en tire quand même un petit peu mieux. Pas beaucoup mieux, mais un petit peu mieux. On avait senti Sainz qui était revenu un petit peu au niveau d'Albon sur cette fin de première demi-saison, on va dire. Et là, l'écart a tendance à se recreuser à nouveau. Pourquoi? Ça, c'est le grand mystère pour l'instant. Attendons de voir si, si les choses s'inversent aussi un petit peu. On sait que Sainz adore Singapour, donc j'ai hâte de le voir là-bas, par rapport à Albon notamment. Sinon, oui, il est un petit peu tributaire, comme l'a dit Alex, de ce que Williams a constaté, c'est que c'est les pneus, en termes de chauffe sur un tour rapide, ils n'y sont pas. Ce que je ne comprends pas du coup d'ailleurs, pourquoi Monza ils n'ont pas adopté la stratégie de deux tours de suite. Ce qui a souvent fonctionné. Pourquoi Williams, qui n'y arrive pas sur un tour rapide à chauffer les pneus, pourquoi ne font-ils pas deux tours de chauffe avant de se lancer en tour rapide? Si c'est ce qui leur font, va mieux pour la chauffe des pneus, pourquoi ne pas l'appliquer? Oui. On n'a pas eu la réponse pour l'instant. Donc peut-être que Jens Wolff, qui fait des débriefs souvent sur des grands prix le jeudi ou le vendredi, nous donnera un élément de réponse là-dessus. Mais on sait qu'à Monza, en tout cas, c'était pas rare de voir des fois des stratégies à plusieurs tours rapides avec le même train de pneus, ce qui aurait pu être une solution à déployer pour Williams. Juste sur Williams, une stat qui est quand même hallucinante. Donc au classement, ils ont 86 points cette saison. Lors des 7 saisons précédentes combinées, ils en ont marqué 84. Ouais. Donc ils ont marqué plus de points en 2 tiers de saison que lors des 7 saisons dernières. Ça, c'est fou. J'avais vu la stat avant le week-end où ils étaient quasiment, justement, ils étaient déjà en passe de dépasser. Effectivement, c'est assez impressionnant comme stat. Ça montre le chemin parcouru. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient vraiment nullissimes avant? Ou est-ce qu'ils sont revenus très très très bons cette année? Attention, ça veut dire que les programmes étaient fulgurants en fait. Surtout, il y a deux variantes. Hein. En fait, c'est juste que c'était nul. Clairement, les saisons, alors, je sais pas, les 7 ans, ça remonte jusqu'à 2019. 19, ouais, c'est là où ils ratent les essais de Barcelone. Clairement, 2019-2020, c'est nulle part. Là. L'équipe est nulle, hein, clairement. Là-dessus, il faut dire ce qu'il y a. Même 2018, ça commençait à être très mauvais. Hein. Faut pas oublier qu'ils avaient un duo composé de Stroll et Sirotkin. C'était pas fou. Et après, 2021, ça commence à aller mieux. Mais 2022, c'est pas bon du tout. La première année de la réglementation en cours était vraiment mauvaise. La Tifi, c'était en plus pas du tout adapté. Donc, ils avaient vraiment qu'une voiture qui faisait à peu près des résultats. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des progrès les dernières années, mais là ça a été, je trouve que les progrès étaient vraiment impressionnants. Voilà, ils consolident leur écart sur Aston Martin, hein. Ouais. Ils sont partis pour finir 5e. 2025 n'était pas du tout dans l'objectif de l'équipe en plus. Hein. Bah non. On sortit une voiture comme ça, hop, voilà, c'est fait. 2 janvier, on passe sur 2026. Hein. Ouais. Grosso merdo, hein. je vais pas non plus dire qu'ils n'ont rien fait non plus sur la voiture cette année, mais à 90-95%, c'est 2026 hein, qui bosse. Qu'elle embosse à l'usine, donc c'est impressionnant pour le coup. C'est depuis avril qu'ils n'ont pas utilisé la soufflerie pour faire une nouveauté sur la voiture. Alors que c'est le genre de choses qu'on aurait pu attendre de, je sais pas, Ferrari par exemple. Pardon. Je me fais du mal tout seul. Un peu d'ironie, mais c'est pas faux. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que c'est. Non, mais c'est une très bonne, c'est très bien vu de la part de Williams. Et je pense que là aussi, encore une fois, c'est une équipe qui a un ingénieur à sa tête et ça ne fonctionne plus comme avant. Hein. Il y a clairement un avant et un après. Et puis il y a de l'argent, hein, pardon. Mais oui, c'est aussi. Et ça c'est depuis 2021 et pourtant en 2023, ils avaient toujours un tableau Excel pour gérer la logistique. Donc, Attention, Jens Wolff, c'est un ingénieur stratégie, logistique, ce genre de choses. C'est pas un ingénieur technique. Hein. Oui, mais après, je pense qu'il y a quand même une vision d'ingénierie, parce que je pense qu'il a, même s'il était stratège, je crois qu'il a un diplôme d'ingénierie qui n'est pas exactement sur. Oui, mais il a rapidement en mode. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même une vision un peu plus technique que les personnes qui sont succédées avant lui. Et effectivement, après, pour le débat Sainz versus Albon, je pense que Albon a souvent été sous-estimé. Après son passage chez Red Bull, où il a été certes massacré par Verstappen, et avec le fait que derrière, il a eu Latifi et Sargent en équipier, je pense que ça n'aide pas à avoir une cote correcte et à bien jauger un pilote. Voilà pour Williams, en tout cas, c'est la bonne opération, clairement. Et ensuite, c'est Sauber qui fait aussi une pas mauvaise opération, puisque Gabriel Bortoleto marque 4 points avec la 8e place. Il franchit la ligne 9e, mais donc il y a la pénalité d'Antonelli qui lui permet de gagner une place. Pauvre Hülkenberg n'a pas vu la ligne de départ, hein, puisqu'il a eu un souci hydraulique, hein, c'est ça. Avant le départ, donc la course s'est arrêtée pour lui avant le premier tour, mais bon, c'était pas trop mal du côté de chez Sauber, surtout de Bortoleto qui fait encore une qualif, encore une très belle qualif par rapport à son équipier, Franck. Ouais, vraiment. Non, mais effectivement, hein, Bortoleto il fait huitième. Tandis que Hülkenberg, bah, voilà, hein, il est dixième. En Q2, l'écart, il n'est pas immense, un dixième et demi, mais encore une fois, Hülkenberg est quand même loin d'être le plus lent en qualif. C'est la sixième course d'affilée que Bortoleto bat Hülkenberg. Hein. Ça montre qu'il a vraiment franchi un step en milieu de saison. Donc c'est franchement admirable. Et sa course, effectivement, elle est un petit peu compliquée au départ. Il est un petit peu englué dans. Enfin, il se fait très peur, je crois. Virage 1. Et ensuite, ensuite, il fait une bataille avec Alonso, son manager. Il finit par la gagner puisque son manager a un problème de suspension, on verra. Et voilà, franchement, il a. ça fait partie des pilotes qui ont tout maximisé. Et franchement, bravo. Moi, Bortoleto, il m'impressionne dans cette deuxième partie de saison. Moi, je pense qu'il est en lice avec Kadjar pour être le meilleur rookie cette année. Ouais. Voilà. Ouais, bah ouais, non, mais franchement, il est impressionnant. Hein. D'ailleurs, on sortira un petit article aussi de Hülkenberg, d'ailleurs, qui parle de Bortoleto. Je sais pas si on sortira demain ou dans la semaine, mais il appelle la machine. C'est un peu le. Il dit que il a comparé une imprimante à jet d'encre qui n'avait jamais de. Qui tombait jamais en panne d'encre. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est un bel hommage de Nico pour Gabriel, hein, clairement. Il est vraiment très impressionnant. Un excellent pari réussi de la part de Sauber et du coup Audi aussi, hein, pour l'avenir. Et il démontre au fur et à mesure que voilà, bah, on le sait, hein, les équipiers qui ont réussi à battre Hülkenberg depuis qu'il a fait son retour à F1, il n'a pas eu des masses. Hein. Non. Magnussen a bien souffert face à lui et d'autres aussi. Donc Et même avant, il n'a c'est jamais été trop pas. ridicule. Non, donc voilà, c'est-à-dire que vraiment Bortoleto, il est en plus, comme tu le rappelles, dans une saison de débutant, donc c'est-à-dire qu'il y a une marge de progression qui est encore assez énorme, je pourrais dire exponentielle, parce que à ce niveau-là, les pilotes arrivent déjà assez préparés, mais il y a quand même une bonne marge de progression derrière, et cette marge, il est en train de la dévoiler au fur et à mesure. J'espère pour Nico que ça ne sera pas non plus un camouflet d'ici la fin de la saison. Parce que Audi pourrait se poser la question du duo. Ben, du coup, voilà, Ouais. on a un Bortoleto qui est excellent. Il y a Hülkenberg qui n'est plus du tout ou pas du tout au niveau. Ça pourrait être dangereux pour lui aussi. Hein. Mais bon, voilà, après, ça sera les choix de l'équipe. Mais très très bonne combinaison pour Sauber Audi, en tout cas, sur le papier pour l'instant, pour commencer. Sachant que Audi. N'attend pas de miracle non plus sur ces 2-3 premières saisons. Ça, il y a de quoi faire progresser, je pense, l'équipe avec de la fougue d'un côté, de l'expérience de l'autre. Ouais, je pense que le bagage technique de Hülkenberg sera toujours utile à Audi. Oui, Et clairement. à Silverstone, quand il a fait son podium, Bortoleto a salué Hülkenberg par rapport à tout ce qu'il lui avait appris déjà depuis le début de saison. Donc, je pense que ils ont l'avantage d'avoir un duo qui fonctionne très très bien ensemble. Et du coup, je crois que la question se posera pas encore de dire Hülkenberg n'est plus nécessaire à l'équipe. Parce qu'il y a en fait Bortoleto a encore beaucoup de choses à apprendre et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il est déjà énormément. Enfin, moi, il y a un truc qui m'impressionne, c'est que je serais beaucoup de réactions pour les gens qui savent pas, je serais beaucoup de réactions sur des vidéos que la F1 donne après les séances. Donc Bortoleto, je le vois souvent en interview et en fait, on a l'impression que rien ne l'atteint, c'est-à-dire que la voix est toujours posée, il a toujours un petit sourire quoi qu'il lui arrive, jamais d'effusion de joie, jamais d'effusion de colère, jamais rien. Et en fait, ben ça marche très très bien parce que du coup. Il est jamais perturbable et c'est vrai qu'avec un Hülkenberg qui pareil prend les choses avec beaucoup de recul puisque lui il en est déjà à quasiment à sa deuxième chance en Formule 1 du coup il a aucun enjeu d'avenir et en fait ça marche très très bien là-dedans parce que les deux sont très détendus et finalement je trouve que je pense que la sérénité de Bortoleto est aussi due à celle de Hülkenberg là tu faut pas enlever le fait Ouais. que Hülkenberg était le leader de l'équipe pendant très longtemps au début de saison. Et je pense que pour moi, Audi a fait un pari parfait et a fonctionné, enfin, mis en place un duo parfait. Tu parlais de Russell en disant il était champion de F3, champion de F2. Pareil pour Bortoleto. Hein. Deux Et titres. F3, rookie champion. F2, rookie champion. Hein. oui. Donc, bon, évidemment, on va parler de la saison de l'an dernier, c'est plutôt Jarre qui quand même, ça signifie quelque chose aussi. Il y a quatre pilotes qui ont réussi ce truc-là, je le rappelle, c'est Leclerc, Russell, Piastri et Bortoleto. Donc ça reste quand même. Van Dorn? Non, il n'est pas champion F3? Il a été champion, il n'était pas rookie de F2 quand il a été champion. Ah oui. Il a été Ah champion F2 oui. mais pas rookie. Alors que les autres c'était vraiment rookie F3, rookie F2 à chaque fois pour leur titre. Et puis, non, c'est vraiment excellent. Et moi, je trouve que c'est bien. C'est une bonne base pour Audi, hein, parce que c'est quand même une équipe qu'on attend de pied ferme. Et oui, effectivement, Fornaroli pourrait avoir le même palmarès. Malheureusement, le problème qu'il a, lui, c'est qu'il a pas de, il a pas d'académie derrière lui. Alors, Bortoleto était à l'académie McLaren, mais ça l'a quand même aidé derrière à se montrer, je pense, un peu. Et j'espère pour Fornaroli que ça va marcher. Mais en tout cas, ouais, moi, je suis très impressionné par Bortoleto. Je sais pas encore, ça dépendra de la fin de saison, si c'est lui qui sera rookie de l'année ou Adjar, mais clairement, les deux sont hyper impressionnants. On va parler d'Adjar un peu plus tard, mais on va d'abord faire une petite escapade du côté de la FIA et de la Formule 1, puisque il y a eu plusieurs choses, mais il y a eu une bonne nouvelle, enfin une nouvelle en tout cas importante qui est tombée dans le week-end, puisqu'il y avait des discussions sur l'arrivée, le retour potentiellement au V8, et il va y avoir une réunion pour essayer de faire avancer le débat. Finalement, la réunion a été annulée puisque des constructeurs ont mis le holà en disant qu'ils ne voulaient pas changer d'architecture de moteur, et c'est un sujet sur lequel il faut une unanimité et pas une majorité pour qu'il y ait changement. Et du coup, Mohamed Ben Sulayem, a priori, n'était pas très content. Il était un petit peu frustré, Franck, puisque on a compris que l'annulation de la réunion était un petit peu en conséquence à ce camoufler, on va dire. Oui, alors la réunion en tant que telle, je crois qu'elle va être maintenue parce qu'il y a quand même d'autres sujets à discuter, notamment le coût des carburants qui va exploser, parce qu'il va être multiplié par 10 l'an prochain. Donc je fais juste un petit aparté là-dessus parce que, au lieu d'avoir un carburant à 22-25 $ le litre, on va être à 250-300 $ le litre. Donc c'est des carburants de synthèse durables. Ce qui veut dire qu'on arrive sur des coûts annuels en saison à 12 millions $ en termes de juste carburant. Quand vous avez un plafond à 130 millions $, ça vous fait quand même 10% de votre budget qui est plafonné, qui est juste pour l'essence, pour courir sur les Grands Prix. Donc ça sera exclu du budget plafonné à partir de 2026. Donc ça va quand même être un sujet de discussion pour les équipes. Il n'empêche que, comme le disaient certaines équipes, c'est pas parce que c'est exclu du budget plafonné qu'on doit pas quand même trouver l'argent pour le payer. Donc ça, voilà, pour les plus petites équipes, ça reste un problème. Maintenant, effectivement, pour le coup des V8, voilà, Ben Sulayem, il a bien senti que, voilà, il y aurait pas du tout d'unanimité par rapport à un V8. On parle d'un V8 Atmo avec une légère hybridation qui serait arrivée dès 2029. Et là, le problème, c'est que c'est trop tôt pas forcément pour beaucoup de constructeurs, parce que Red Bull et Ferrari sont plutôt pour, mais bon, voilà, vous avez Audi qui arrive avec un tout nouveau moteur, vous avez Honda aussi qui repense son moteur, vous avez Cadillac qui prévoit de lancer son moteur justement en 2029, donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui. Voilà, c'est beaucoup de sujets qui font que le V8, comme l'a dit Toto Wolff, les constructeurs ne sont pas contre. Le problème, c'est qu'il arrive trop tôt. Qui arrive trop tôt par rapport à ce qui a été décidé pour 2026-2027 et normalement jusqu'en fin 2030, non, parce que la nouvelle réglementation au moteur, s'il y en a une, serait à partir de 2031. Donc les constructeurs ne sont pas contre pour l'avancer un petit peu. Le problème, c'est les doubles coûts, parce que vous allez avoir des coûts de développement du moteur 2026 et des coûts de développement d'un V8. Et s'il arrive dès 2029, c'est compliqué. Vous avez Audi, Honda notamment, qui ont réinvesti massivement pour avoir un moteur compétitif avec les règles actuelles, enfin les règles de 2026. C'est pas pour tout jeter à la poubelle en 2029. Et vous avez Cadillac qui doit arriver avec son propre moteur en 2029, qui a déjà beaucoup commencé son développement sur le banc d'essai. Alors je pense que pour eux c'est encore du monocylindre ou du bicylindre, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pas encore très avancé, mais ça avance quand même. Et du coup, si on leur dit on part pas sur un V6 mais sur un V8, déjà vous avez rien que ça, c'est l'angle entre les cylindres qui change, quoi. Donc un V8 c'est 90 degrés, vous cherchez pas à comprendre. Un V6 c'est entre 60 et 120 degrés en général. Et là vous avez plus du tout la même architecture. Donc voilà, l'idée du V8 Atmo qui crie, qui fait plaisir aux oreilles, que les fans ont envie de voir, tout le monde veut le voir. Pour le bruit, pour la légèreté aussi, voilà, c'est le but, c'est aussi de rendre les monoplaces plus légères. Une légère hybridation du style Kers, comme on avait un petit peu en 2009, voire début 2014 en termes de puissance. Et donc, du coup, avec des batteries de nouvelle génération qui seront même beaucoup plus légères d'ici 2 ou 3 ans. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que ça arrive un peu trop tôt au bout des constructeurs qui ont déjà énormément investi sur 2026. Donc, c'est un petit peu, voilà, le sujet qui a été mis pas de côté, je pense, mais qui va devoir demander beaucoup de tact en termes de négociation derrière pour que ça arrive peut-être en 2030 au lieu de 2029. Sinon, ce sera 2031. Et par contre, rappelons qu'en 2031, s'il n'y a pas d'accord, enfin, il y a pas forcément d'accord, la FIA est capable d'imposer la réglementation moteur qu'elle veut. Et le but de Ben Sulayem, c'est de dire en gros, la FOM, les constructeurs, ça lui bride un petit peu son pouvoir et de pouvoir faire revenir des constructeurs indépendants, style Cosworth ou autre, à partir de 2030-2031, c'est aussi dans son intérêt. Ce que j'allais dire, c'est que Ben Sulayem, c'est toujours évidemment, il s'oppose à la FOM, hein. Il s'oppose à la FOM, il s'oppose en défenseur de la pureté traditionnelle du sport, donc contre les courses sprint, contre un calendrier chargé. Il y a aussi ces aspects de la politique qui jouent, d'autant qu'il est en pleine campagne de réélection pour sa campagne pour l'élection, donc il aura lieu en décembre. Il n'est pas le seul candidat, mais il a verrouillé l'élection. La deuxième chose, c'est que le règlement 2026, c'est un grand paradoxe. Sur le papier, c'est quand même un grand succès, puisqu'il a attiré Ford, il a attiré General Motors / Cadillac, il a attiré Audi. Alors, j'allais dire, il n'a pas attiré Renault, mais ça, c'est pour des raisons indépendantes du règlement. Donc, sur le papier, il a attiré 3 nouveaux constructeurs. Donc, c'est super. Et le plus grand paradoxe, c'est qu'on en parle déjà de la future réglementation, alors qu'on n'a même pas vu ce que ça donnait en piste réellement, cette nouvelle réglementation. C'est pas le plus grand aveu de confiance. Moi, je pense qu'avant toute décision, il faut déjà voir ce que donne le nouveau règlement, hein, évidemment, si c'est. Et encore, même la première saison sera-t-elle vraiment représentative? Quand vous investissez dans pour Audi, hein, d'ailleurs, ça a été bien redit par Whitley, je crois, qui a dit, voilà, nos Audi, ils sont engagés pour deux choses, le durable, l'électrique, etc. Ces conditions-là, elles doivent être remplies. Ouais. Nous, on est venus pour ça. Alors, on n'investit pas pour 3 saisons, donc c'est très clair. Donc, c'est un paradoxe qui a tranché entre le désir des fans et le désir des constructeurs. Et c'est pas la première fois que ça se pose. C'est pas un conflit facile. Peut-être qu'à un moment, on viendra où la F1 dira, en fait, la pertinence technologique, c'est bon, c'est terminé. De toute façon, toutes les voitures sont électriques. Nous, ce qu'on veut, c'est du bruit et du plaisir. Pourquoi pas? Avec du carburant durable. Moi, ça me choquerait pas. Là, la F1 est toujours dans un entre-deux. Et cet entre-deux se creuse entre les désirs des constructeurs et les désirs des fans. Il y a un moment donné où le fil va casser. Et peut-être plus très long. Après, le fil pourrait peut-être casser juste parce qu'il y aura trop de courses ou un truc comme ça. Il y a d'autres possibilités qui pourraient faire casser le fil. Néanmoins, moi, je trouve que c'est déjà impressionnant que les constructeurs soient OK à l'idée de dire peut-être que qu'après 5 ans avec une réglementation, malgré tous les investissements faits, on sera déjà prêt à l'abandonner. Quand on voit que les moteurs actuels, ça fait quand même c'est la 12e saison. Et je suis vraiment surpris que les constructeurs rentrent là-dedans quasiment naturellement en se disant dans 6 ans ce sera suffisant, alors que c'est quand même des investissements énormes en termes de marketing pour l'instant. Quoi qu'en dise Ben Sulayem et quoi qu'en disent les fans, le marketing ça fonctionne et le marketing aujourd'hui, l'hybridation marche très bien. Faut pas oublier qu'aujourd'hui le marché d'automobile c'est plus de 50% de ventes de voitures hybrides et le diesel existe, ne fonctionne plus, l'électrique ne fonctionne pas encore. Ce qui marche aujourd'hui, c'est l'hybridation. La F1 l'a très bien compris, et c'est pour ça aussi que les moteurs restent hybrides. Et effectivement, Audi, Cadillac, Honda, tous ces constructeurs-là, eux, ont aussi, enfin Cadillac pas encore, mais Audi et Honda développent énormément de voitures sur l'hybride dans leur gamme. Et c'est un bon compromis pour la Formule 1 parce que effectivement ça fait des voitures qui sont un peu plus lourdes mais pas trop. On a une hybridation qui est de plus en plus importante mais qui donne quand même encore pas. On a quand même un V6 de quasiment 500 chevaux dans les voitures l'an prochain. Et du coup, je vois pas déjà comment. Enfin, je vois pas à quel moment ça fonctionnera de faire un gros retour en arrière en mode on repasse à une micro-hybridation, à une cylindrée plus grosse. Enfin, j'imagine qu'effectivement il y aura une question de pertinence par rapport au marché et que le jour où en 2030, si plein de voitures sont électriques, peut-être qu'on dira que ça sert plus à rien de marketing, au niveau marketing, de faire une F1 qui soit pertinente et le reflet de la marché. Mais pour l'instant, et même en 2030, j'ai tendance à penser, vu que les constructeurs poussent pour que le tout électrique soit repoussé plus loin que 2035, j'ai tendance à penser que la pertinence, elle va durer encore au moins 10 ans, hein, facilement. Et il y a même ça, c'est même pas pire que ça, c'est aussi toutes les frontières, entre guillemets, commerciales qui sont en train de se fermer, notamment avec la Chine. Pour tout ce qui est terre rare, pour les batteries, tout ça, on n'aura pas suffisamment en Europe de quoi créer de batteries pour nos voitures électriques aussi. Donc, clairement, il y a une marche arrière qui est en train de s'amorcer, pas forcément volontaire, hein, clairement, de la part de, par la part de l'Union européenne aussi, hein, qui entend les constructeurs. Ouais. On va pas pouvoir saborder notre industrie quand on voyait les États-Unis qui sont en train de s'enfermer de leur côté. Le marché asiatique, Chine-Russie, qui est en train de s'enfermer de l'autre côté. L'Europe, malheureusement, niveau batterie, tout ça, elle est un petit peu à la rue et on n'aura pas d'autre choix que de continuer un petit peu avec du thermique. Clairement. Mais moi, la jeune génération, je suis pas sûr qu'elle va vouloir toujours des moteurs très bruyants. Je crois que c'est Toto Wolff qui dit ça. En plus, ouais. Oui, non, mais la jeune génération, elle est même anti-voiture, la jeune génération, si tu vas par là. Bah en tout cas, le fait d'avoir des F1 très très bruyantes avec des énormes bruits, désolé, mais les goûts évoluent aussi. Donc moi je trouve que quand tu vois, c'est quand tu passes sur un circuit. Ok, boomer. Non, mais quand tu passes sur un circuit avec ces voitures à V6, ça fait du bruit, hein, quand même. Je veux dire, c'est pas silencieux. Au début du V6, c'était silencieux, mais depuis, ça a quand même vraiment changé. Ah ouais, mais bon, par rapport. Oui, par contre, V8 sur l'an, ça n'a rien à voir. Évidemment, mais le V10, c'est vrai que c'était tellement bruyant que ça causait des problèmes auditifs. En fait, le gros problème de l'an prochain, c'est que si on a des écarts immenses entre les équipes, ça va forcément attirer l'attention sur le règlement. Si on a des courses hyper serrées et passionnantes, alors ça va, personne n'a critiqué ce règlement moteur. Oui, mais McLaren va demander à toutes les équipes de compenser. T'inquiète pas. Non, mais voilà, c'est okay, ça. Bien pertinent la ressortie. Mais non, mais le truc, c'est que aussi, qu'est-ce que veulent les gens? Parce que l'an prochain, on aura sûrement plus d'écart, mais on aura sûrement plus de dépassements en piste. Donc, quel spectacle on privilégie? Est-ce qu'on privilégie des qualifs serrés? Est-ce qu'on privilégie des dépassements? Donc, en fait, je pense aussi qu'à un moment, ça va être un peu violent ce que je vais dire, mais je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'écouter les fans. C'est-à-dire que la F1 doit aussi. Non, mais en fait, c'est qu'il y a un moment où il faut les écouter. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand ils veulent des choses et tout ça, voilà, quand les fans disent il y a trop des sprints, on s'en fout, bah, faut peut-être arrêter de dire les gens veulent des sprints. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des moments où les fans, encore une fois, on en revient toujours à cette équation de l'impossible entre une hiérarchie serrée, des dépassements en piste, des luttes serrées, machin. Il y a forcément un moment où c'est l'un ou l'autre. Et je pense qu'il y a à trop vouloir dire si on va réussir à tout faire, on crée des attentes que les gens ne peuvent pas, qui ne seront pas respectées à la fin. Et je pense qu'effectivement l'an prochain, bah, si ça marche pas, faudra essayer de faire en sorte de garder un discours positif sur ces moteurs qui seront pourtant sûrement pas à l'origine du problème, puisqu'en plus il y aura tout un tas de raisons aérodynamiques. Je vais être ultra violent, moi, parce que le problème des fans qu'on interroge aujourd'hui, il y a les divers sondages que fait la FOM ou autre, ce sont des fans qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont des fans qui suivent la F1 depuis, malheureusement, alors je dis malheureusement volontairement, depuis assez peu de temps, donc n'ont pas forcément les références du passé et préfèrent voir aujourd'hui apparemment des highlights, donc les résumés, et préfèrent suivre les pilotes et leurs aventures sur les réseaux sociaux que sur des pistes de Grand Prix. Je suis désolé, hein. Oui. On a quand même deux catégories de fans qui s'opposent énormément. Je suis d'ailleurs persuadé que ceux qui nous suivent aujourd'hui sur le chat sont plutôt dans la première catégorie. Je sais qu'on appelle ça les Netflixiens, je sais pas comment ils appellent ça, les ceux qui sont arrivés avec la F1 par Netflix. Mais c'est quand même une réalité, hein. Il y a quand même une réalité qui s'oppose entre la F1 pure et dure qu'on aime bien avec la stratégie, avec les moteurs, avec ce que vous voulez, avec la F1 showbiz, influence et compagnie qui s'est développée de l'autre côté. On a quand même deux mondes qui sont en train de s'opposer et qu'il va falloir un moment ou un autre réconcilier. Et c'est pas évident, je pense, pour la FOM de trouver la bonne synthèse pour les deux. Et ça, il faut leur accorder finalement ce problème-là. Clairement, et moi je pense que le problème aujourd'hui, et de Stefano Domenicali particulièrement, c'est qu'il n'a pas compris qu'en essayant de faire un distinguo là-dedans, en fait le distinguo ne se fait pas entre anciens fans et nouveaux fans, il se fait parmi les nouveaux fans. Parce que les anciens fans, aujourd'hui, ne sont plus majoritaires. Quand on voit les audiences il y a 10-15 ans et les audiences aujourd'hui, deux tiers des audiences sur les Grands Prix ou devant la télé, ce sont des gens qui ont commencé la F1 il n'y a pas longtemps. Donc là-dessus, on ne peut pas dire les jeunes fans sont des fans qui aiment ça. Par contre, il y a une partie des fans qui a découvert la F1 avec Drive to Survive, par exemple, mais qui va ensuite se dire « Putain, alors j'aime bien ce que me propose Drive to Survive, mais par contre, j'adore regarder les Grands Prix. » Et vont s'intéresser aussi aux côtés, comme nous, on débriefe tous les jours, stratégie, performance, etc. Ce qui n'empêche pas de débriefer aussi la personnalité des pilotes, etc. Et il y a des fans qui sont beaucoup plus... Moi, ce que j'appelle les fans... des shorts YouTube qui vont scroller en permanence le contenu et tout ça. Et aujourd'hui, le problème de Dominique Ali, c'est qu'il veut satisfaire ces fans-là et pas les nouveaux fans qui justement veulent creuser la Formule 1. Donc plutôt qu'offrir des plateformes, alors elles sont aussi offertes mais elles sont plus difficiles à trouver, plutôt qu'offrir des plateformes qui permettent aux nouveaux fans de découvrir la Formule 1 et de creuser cette Formule 1-là, on dit, ah non, il faut, c'est peut-être trop long, les courses de 90 minutes sont peut-être trop longues, puisque c'était un des débats de week-end. Effectivement, il faudrait peut-être raccourcir les grands prix, parce que les nouveaux fans veulent du contenu plus court, parce que sinon, ils ne gardent pas assez de concentration. Mais j'ai envie de dire à Stefano Domenicali, tes fans qui ne gardent pas assez de concentration pour rester une heure et demie devant un grand prix, est-ce que tu penses que dans un an, ils en auront encore quelque chose à foutre de la Formule 1? Est-ce qu'ils ne seront pas passés complètement à autre chose? Du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à satisfaire ces fans-là? Et oui, je trouve que le raisonnement de Dominique Ali est complètement nul. Moi je suis pas d'accord. Il y a un intérêt à attirer des nouveaux fans parce que c'est des chiffres qui font être regardés. Hein, c'est toujours côté en bourse. Hein. Les nouveaux fans, c'est aussi des chiffres que regardent les investisseurs. Et sur les nouveaux fans, il y en a qui vont rester. CF, Netflix, etc. Oui, mais je pense que les fans qui vont rester apprécient les courses de 90 minutes, à mon avis. Il y en a forcément qui vont partir. Oui. C'est sûr, les fans Netflix, il y en a plein qui sont partis. On a beaucoup critiqué les fans Netflix, jamais, parce que moi c'est normal. On a déjà perdu 50% ce week-end, puisque Ricciardo a annoncé sa retraite de la course. Et Steiner. Mais non, mais heureusement que Bottas est revenu. Hein. C'est le rôle d'un business d'attirer les nouveaux viewers. Et j'ai très souvent ce nom de Dominique Ali. Moi je suis d'accord. Si les fans trouvent que les courses sont un peu trop longues, ben, pourquoi pas un peu les raccourcir, quitte à avoir des pneus qui se dégradent plus vite. Je suis d'accord pour avoir plus de courses sprint, parce que ça rend les week-ends beaucoup plus plaisants. Donc moi, je trouve qu'il faut, c'est bien que Liberty Media, qui a fait beaucoup de bien à sport, continue de le dynamiser. Il ne faut pas s'endormir sur le barrier. Il ne faut pas être le vieux fan, même le nouveau fan, qui est très content d'être là et qui referme la porte derrière lui. Moi, je pense qu'en sport, ça se renouvelle, ça évolue avec son temps. Et voilà, je vous rappelle qu'avant, les courses de F1 duraient 3 heures. Hein. Peut-être qu'il y a des puristes qui diraient, mais des courses d'une heure 30, franchement, voilà, tout ça. Non, c'est bien. Moi, je trouve que la F1 de vie dynamique, elle ne s'est jamais méportée. C'est grâce à l'université. Je réponds au fait qu'on nous attend un write to survive pour nous. On va faire comme Styler, on va faire un surviving to write. Mais je tiens à dire que la course de Monza, c'était 1h13. Là, on va approcher la longueur de deux fois Monza. Non, mais le truc c'est que je suis d'accord. Alors, moi, tu sais très bien, j'ai toujours dit qu'il faut ramener des nouveaux fans, etc. Que j'ai toujours dit que les nouveaux fans sont les bienvenus et je trouve que c'est super bien que la F1 s'ouvre à eux. Et Dieu merci, la F1 n'est plus du tout comme elle était avant. Enfin, plutôt, c'est Liberty qui a fait ça, mais comme c'était le cas avec les Stones où tout était fermé, tout était bloqué, tout était verrouillé. On disait non, la Formule 1, il faut payer pour y aller, il faut payer pour la regarder. On met rien sur YouTube, les gens ont qu'à payer. Au final, personne payait et c'est le peu qui était diffusé, c'était pas beaucoup regardé. Là-dessus, tout grand coup de balai a été fait. Heureusement, ça marche très bien. Je trouve que c'est très bien qu'on ait plein de nouveaux fans. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait plein de gens qui s'y intéressent. Moi, je vois beaucoup parce que je suis assez actif sur les réseaux sociaux. J'ai plein de gens qui viennent me dire qu'ils ont découvert la Formule 1 il y a pas longtemps, qui s'y intéressent, qui posent des questions et tout. C'est super intéressant. Ça ouvre le débat et il faut que ça continue. Ce que je veux dire, c'est que, alors oui, on peut continuer à parler, on peut débattre de la pertinence des courses longues, on peut débattre, mais aujourd'hui, le truc montre quand même que les courses les plus intéressantes sont pas les plus courtes. Et en fait, alors après, il faudrait peut-être changer, effectivement, comme tu dis, la dégradation des pneus et tout, mais aujourd'hui, on a des courses qui durent quasiment 2 heures. La Belgique 2021. Ah bah là, tu pouvais la scroller rapidement. Non, mais c'est très bon contre-exemple. Mais en fait, il y a la bonne foi sur ce. Non, mais je trouve que tu vois, il y a des courses de 1h45, 2h où moi je reste coaché devant mon écran et je pense que je suis pas le seul parce que il y a des rebondissements. T'as pas le choix. Oui, bon, c'est vrai que j'ai pas le choix. Mais si je l'avais, je resterais quand même parce que je suis passionné par ce qui se passe. Et à l'inverse, hier, bah, j'avais pas le choix, mais franchement, je me serais bien barré boire un café, tu vois, parce que vraiment, bon, c'est hier, alors bon, McLaren a essayé de faire semblant qu'il se passe quelque chose à la fin, mais globalement, on s'est quand même bien fait chier, c'était une belle purge. Oui, mais c'est pas la faute à la longueur de la course, hein. C'est pas la faute à la longueur de la course. C'est pas la faute à la longueur de la c'est course. C'est la faute aux circonstances de la course. Mais si on réduit la longueur des courses, on va tendre vers ça, puisqu'il y aura moins d'éléments stratégiques. Il y aura moins d'éléments de, et en fait, l'élément stratégique aujourd'hui en F1, il est indispensable pour le spectacle. On n'a plus, aujourd'hui on a trop de technologies, ou alors ce qu'il faut faire c'est revenir à des Formule 1 où on enlève tout l'appui, etc. Et là on revient à des performances très mauvaises, plutôt proche des F2. Mais si on veut garder des F1 rapides, performantes, etc., et qu'on ne veut pas sacrifier le temps et la vitesse des Formule 1, on aura de l'appui, on aura de ça, et la différence ne se fera pas au pilotage, et ne se fera pas sur les dépassements. La différence se fera sur la stratégie, la différence se fera sur la construction d'une course, sur l'exécution d'une course. Et je suis désolé, si on fait des courses d'une heure, eh ben, il ne se passera rien. On aura des Monza 2025 beaucoup plus que des Zandvoort 2025, parce qu'en fait, bah même il y aura moins de risques de pluie, parce que bah c'est con, hein, mais sur une heure et demie, t'as plus les pluies que sur une heure, etc., etc. Et je pense que... Monaco, c'est la course la plus longue de la saison, quasiment. Non, mais regarde, Singapour, par exemple, est quand même vachement intéressante, et pourtant, c'est la plus longue. Ouais, ça dépend du circuit, c'est pas la longueur. Ouais, bien sûr. Mais non, mais c'est pas la longueur, mais je pense qu'on refermera des potentiels de spectacle si on fait des courses plus courtes, parce que la Formule 1 a besoin de se mettre en place. C'est comme si tu dis, voilà, l'endurance, c'est un sport qui est très, qui se joue sur le long terme. Si tu fais des courses d'endurance de 2 heures, on le voit avec l'IMSA qui a des courses d'endurance de 6 heures et des courses d'endurance de 2 heures, et ben, les courses de 2 heures, c'est plus du tout les mêmes enjeux que celles de 6 heures. Et je pense qu'on dénature un sport, pas en disant, c'est pas faire le vieux con en disant, ça doit faire 1h30, je m'en fous, mais c'est de dire, on perd l'essence de ce qui est construit dans une course d'une heure et demie, enfin, de 300 km en fait, parce que c'est ça la clé. Réjouissez-vous, on a repris pour 10 ans de Monaco en plus. Hein. Je ne me réjouis pas. Si on perd l'essence, c'est d'autant plus important que le coût a vraiment augmenté. c'est vraiment du gâchis. Juste pour glisser un mot sur Monaco 2035, quand même, j'espère quand même qu'ils arriveront à nous inventer un format un peu spécifique pour Monaco quand même. Oui, moi aussi. Ils ont quand même 10 ans pour inventer quelque chose là. Et je maintiens mon 25 points en qualif. Oui, mais totalement. Pour moi, c'est comme l'Indy 500 faisait, enfin Indianapolis fait en IndyCar. Il faut que la qualif compte pour le championnat. Et je tiens à dire que Sombrette Indelicate dit le pire est à venir avec la grille inversée. Mais moi, tu vois, par exemple, là je vais sur discours très progressiste. Je suis là totalement favorable à des sprints avec grille inversée. Parce que pour moi, c'est du fun pas cher. Alors. Ouais, après c'est pour les 8 premiers. Comment ? Pour les 8 premiers, pas pour les 20. Oui, bien sûr. Ah oui, non, bah comme en F2 en fait, mais ta version de partie. Bah oui, moi je suis d'accord. Et parfait quoi la Pinto en pôle. Ah bah ce serait marrant à Monaco. Pas de dépassement. Victoire alpine, ouais. Pas à Monaco, si tout le monde se ferait dernier en qualif. Non, je pense que s'il y a des grilles inversées, il faut on appelle ça des incentives. Les qualifs inversés, c'est le plus lent qui part. Il faut des points quand même, des points intéressants pour ceux qui se qualifient devant, je pense. Oui, c'est sûr aussi. Voilà, pour motiver à. Et puis, comme le dit Contexte Dani, McLaren adore inverser. Ah, vous êtes taquin. Mais. Il est réaliste. Oui. Allez, on relance le débat. Allez, putain, attends. Je remets un McLaren. Non, je déconne. On a fait faire la moitié des équipes, non, je crois. 1h56 d'enregistrement, mais oui, on n'est pas encore. Bon, après, les équipes qui restent, on n'a pas grand chose à dire dessus. Oui, c'est 2h06 qu'on est en live tous les trois. Hein. Et la semaine prochaine, bye bye. et voilà, je tiens à dire que moi, je suis totalement favorable à plus de sprints, parce que quitte à être sur place, effectivement, pour moi qui suis. Franck et moi, on est vissés devant les EL2 tous les week-ends. Je peux vous dire que les week-ends de sprint, c'est pas mal, hein, parce que franchement, on se fait quand même moins chier que devant les EL2. Donc, je suis d'accord. Après, je suis pas vissé sur mon siège, mais je suis d'accord. Non, mais oui, je pense que ça tue. Là-dessus, j'ai un discours qui est pas. Alors, je pourrais peut-être pas faire 24 sprints comme en MotoGP, mais en rajouter, en faire la moitié du calendrier, ça me choquerait pas du tout. Et inverser la grille, pourquoi pas. Et qu'à voir les audiences TV et les circuits qui tapent à la porte. Ouais. Pour pouvoir avoir des sprints, c'est toujours la même affaire. Mais il faut pas qu'il y en ait que ça, parce qu'effectivement, les week-ends normaux permettent aux pilotes débutants de mieux se développer. Même Verstappen accepte des sprints. Il faut d'autres trucs, je pense. Il faut d'autres choses. Moi, je pense qu'il faut tester plusieurs trucs. Et là-dessus, je suis totalement ouvert. Des qualifs qui comptent pas pour une grille avec des points le vendredi après-midi, par exemple. Ça pourrait être totalement marrant aussi. On vous fait une L2 qui marque des points. Ça compte pour rien. Et fait pas de grille, mais ça, ça marque des points. Ça compte pas pour rien alors. Non, mais je veux dire que ça compte pas pour la course ou pour une pré-course ou autre chose. C'est juste, on a décidé que, les EL2, boum, hop. Mais la FIA prévient 15 minutes avant la séance que ça va compter, tu vois. Comme ça. Voilà, par exemple. Ça peut être très marrant. Ah si! Un jet de dé en direct. Tu sais, c'est un truc que genre, t'as Ben Sulayem et Dominique Ali qui jettent un dé. Il y en a qui comme dit, pour Seth Superman. Qui c'est qu'on pénalise? Hop! Ah, mais ça pourrait. Tu fais du contenu avec du contenu, tu vois. Non, mais après, moi, pour en revenir, je trouve qu'il faut pas tout sacrifier sur l'autel de quelques fans qui disent qu'ils se font chier avec des courses d'une heure et demie ou 300 km, parce que pour moi, ça veut dénaturer le sport. Pour autant, je suis totalement favorable à ce que la F1 évolue pour satisfaire son public actuel et qui va être l'avenir, le public d'avenir. C'était dans quelle discipline que les pilotes allaient lancer une roue pour savoir quelle position de départ ils allaient avoir? C'est arrivé en IndyCar. Oui, voilà. Ils avaient fait une course, mais alors ça, par contre, ça avait fait, parce qu'en fait, c'était une course assez importante. Et ils avaient, en gros, les pilotes, il y avait une espèce de truc qui était mis. Les pilotes ouvraient une boîte, et en fait, ça leur marquait un chiffre auquel ils partaient sur la grille. Et du coup, mais c'était, alors ça, c'était vraiment, ça a fait gros débat. Je crois qu'ils en parlent encore aujourd'hui, un peu comme un traumatisme. Donc, voilà. Ouais, je m'en souviens. Mais je me semblais qu'en WRC, c'était pareil aussi. C'est pas des ordres de départ aussi? Le jour d'après? Ils ont beaucoup changé ça parce qu'ils savaient pas comment ne pas désavantager. Mais voilà. Oui, Mollusque a raison. Les CD, c'est comme ça qu'ils font pour les pénalités déjà. Ils décident sur un 4 ou plus. On pénalise Carlos Sainz. Bon, et les amis, si on commence par débriefer ce Grand Prix avec Red Bull, s'il vous plaît. J'avais pas bien compris le début, si on peut recommencer. Allez, c'est parti. Alors. McLaren a-t-elle eu raison? Non. Mais c'est ça. Moi, je suis chaud pour refaire le débat. Pour mais ceux qui ont déplacé leur curseur par hasard sur ce moment-là sur YouTube. Oh, la vidéo a bugué. Ils sont toujours sur ça. Ils sont pas d'accord. L'explosion de l'équipe en direct. Mais allez, on va continuer évidemment notre Thierry nous dit j'étais pas là au début. Alors on va pas refaire le débat. Non, on recommence pour Thierry qui était pas là. Allez, pour ceux qui font qu'on pas écouté. Non, évidemment l'émission sera en replay sur YouTube dans les minutes qui suivront la fin de l'émission. En général 10-15 minutes après vous l'avez sur YouTube donc. Voilà, donc et on vous conseille le débat parce qu'il était fort intéressant, on n'était pas d'accord en plus. Même Alex était d'accord avec moi, finalement il était pas d'accord avec moi, c'était oui, passionnant. C'est ça. Non, c'est cool que j'ai une appréciation nuancée et objective. La meilleure selon toi, évidemment. Oui, on fera des highlights de l'émission, Xoans, pour les nouveaux fans. Oui, à ce moment-là, on va faire 10 minutes. On fera des émissions sprint. Alors, on débriefe que les trois premiers. Des émissions avec grille inversée où tu commences par Alpine. Ah oui, une émission sprint pour la prochaine. 15 minutes chrono. On a que 5 minutes par équipe, ouais. Ou alors on débriefe les trois premiers, je crois, mais. Ben voilà, en tout cas. John Smith qui dit qu'il y a de la scission entre Next G d'un côté et Nauto de l'autre. Ouais, c'est ça. En auto.com. Bon, on va recommencer un petit peu notre débrief, hein, parce qu'on est toujours en train de parler du Grand Prix d'Italie, au cas où les gens l'auraient oublié. Et on va passer à Racing Bulls avec la 10e place de Isaac Hadjar qui partait pourtant des stands après un changement de moteur et la 14e de Liam Lawson qui partait 18e. Sur la grille. Après également une qualification, une qualification ratée pour lui. Et donc, globalement, c'était plutôt un week-end qui avait mal commencé pour eux. Isaac Hadjar avait dit que ce serait difficile d'arriver en Q3. Effectivement, ça n'a pas été le cas. Et les premières éliminations pour lui en Q1 depuis le début de sa saison. Mais il a quand même fait une très belle course, Franck, qui lui a permis de remonter à la 10e place et marquer à nouveau un point. Inattendu quand même, hein, de partir dernier ou avant-dernier. Je sais pas qui de Gasly ou lui est parti dernier dans les stands. Parce que bon, mais bon, ça reste une super volonté. Hein. Très très bonne stratégie aussi de Racing Boost en termes de timing d'arrêt au stand. Hein, puisque clairement, c'est là-dessus que ça s'est joué. Hein, puisqu'il n'y a pas eu de voiture de sécurité, il n'y a pas eu de virtual safety car, il n'y a pas eu de drapeau jaune. Il n'y a rien eu. Hein. Même le seul incident de course qui était un peu Sainz-Berman, voilà, ça n'a pas duré plus que quelques secondes avant que les deux monoplaces repartent. Donc, clairement, entre le rythme d'Hadjar avec un moteur neuf, faut quand même le signaler quand même, puisque c'était un peu le problème de Isaac, c'est que certes, la Q3 était pas envisageable, mais il avait quand même noté des petits soucis, des petits ratés côté moteur. Donc, bon, il a essayé quand même de jouer correctement la qualification, mais il savait très bien que derrière la pénalité moteur, l'enverrait en fond de grille et même du coup dans les stands. Mais il a fait une course, encore une fois, parfaite. Hein. Même lui était hyper étonné comme à la fin d'avoir un point. Alan Perman, donc le directeur de l'équipe qui remplace Laurent Mekies, pareil, il était sans voix, il n'avait pas de mots. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il a dit dans son débrief qui sortira demain, je crois, sur le site. Voilà, il était vraiment estomaqué par la performance d'Isaac. Donc, pour le coup, pour celui qui marque des points au championnat, c'est certes un seul point, mais côté Red Bull Racing, c'est beaucoup plus de points que ça qui sont marqués. Donc, pour ceux qui doutaient un petit peu du sort que Red Bull et Racing Bulls pourraient réserver à Isaac, la promotion chez Red Bull en 2026 commence vraiment à se matérialiser de plus en plus, on va dire. Même si c'est pas forcément idéal pour lui en termes d'apprentissage, on est d'accord. Il a quand même dit, voilà, je rebondis là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur sa course, hein, qui a été vraiment limpide et propre, et voilà. C'est qu'il a quand même dit, et de manière tout à fait juste, que s'il y a bien un bon moment pour débuter aux côtés de Verstappen chez Red Bull, c'est bien 2026 parce que les monoplaces seront toutes nouvelles. Il n'y aura pas de question de style de pilotage, d'axe de développement ou autre chose. Toutes les deux pilotes commenceront sur le même niveau en termes de ressenti de voiture et de ce qu'on demande à une voiture. Certes, Verstappen aura quand même beaucoup plus d'expérience, hein, ça il faudra pas le nier non plus. Mais en tout cas, en termes de point de départ technique, ça sera beaucoup plus proche que ça ne peut l'être actuellement, clairement. Donc je sais pas si on doit s'en réjouir ou si on doit se dire ça aurait même été mieux que Isaac fasse une saison de plus chez Racing Bulls. Mais bon, clairement, s'il a la promotion, il va pas la refuser. Et puis de toute façon, il a pas le choix non plus, je pense, clairement. Mais ça sent quand même de plus en plus bon pour Isaac, d'autant plus que Tsunoda, comme on l'a dit tout à l'heure, a fait quand même un week-end extrêmement moyen à Monza, même s'il n'avait pas le tout dernier plancher, même s'il n'avait pas le même aileron arrière. Ça reste quand même une grosse claque en qualification et en course par rapport à ce que Verstappen a pu faire. Ouais. Donc voilà, bonne course de Isaac. Pour Lawson, j'ai pas trop suivi à part son accrochage avec Tsunoda. Juste pour Adja, je suis d'accord. Le paradoxe, c'est qu'en fait, il fait une performance qui est peut-être pas loin d'être aussi solide que... que la semaine dernière, sauf qu'évidemment elle est moins visible puisque c'est une 10e place versus un podium. Mais ouais, il avait fait une course à Albon, ça a une stratégie en partant avec les durs, puis très très rapide ensuite. Et Lawson, sentiment d'avoir souvent la même course de sa part, c'est-à-dire il part plutôt bien, puis après la stratégie le met dans le peloton, ce qui fait qu'il s'accroche avec un pilote. C'est pas la première fois qu'on a cette Donc, tous les pilotes se sont plaints de Lawson à un moment ou à un autre. C'est ça. C'est vrai que malheureusement, c'est pas toujours de sa faute. Là, je trouve que par exemple, il est pas fautif sur l'accrochage avec Tsunoda. Je trouve qu'il est pas entièrement fautif sur l'accrochage avec Sainz. D'ailleurs, FIA a dit que c'était pas lui qui était fautif, mais c'est vrai qu'il est toujours dedans. Et ça en dit long quand même sur un pilote quand tous les pilotes s'accrochent avec lui, je pense. Ouais, et puis surtout s'accrocher avec Tsunoda, quoi. Bon, hein, c'est pas la chose la plus maligne à faire. Non. Mais de toute façon, en fait, le problème, c'est que il va au contact. Et en fait, la semaine dernière, il va au contact avec Sainz. Là, je trouve que au final, il est comment dire, il essaie de s'infiltrer. Mais après, bon, c'est un pilote de F1. Au bout d'un moment, il va pas. Enfin, je veux dire, Tsunoda au départ lui laisse la place de passer et ensuite il lui referme la porte et le pousse dans l'herbe. La différence, c'est qu'il va pas dans l'herbe et ça touche. Mais je trouve que ben, après, si la porte est ouverte. Alors, c'est pas de dire, je veux pas mimer Senna à dire s'il y a un écart, faut y aller, tout ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais là, la porte était quand même clairement ouverte et je trouve ça un peu dommage. Ça fait deux grands prix de suite que Adjar marque des points et fait une course propre et Zandvoort finit par un accrochage alors que l'autre voiture fait une superbe course. Ouais. Et ça inverse un peu parce que après Monaco et tout ça, on avait commencé à avoir une inversion chez avant la pause estivale, en fait, chez Racing Bulls, où Lawson semblait plus solide et tout, mais il y a même des gens qui disaient, ah bah finalement, la promotion pour Adjar, c'est peut-être pas pour cette année, tout ça. Et puis là, le retour de pause estivale fait vraiment mal à Lawson, je trouve. L'avantage qu'il a, c'est que derrière lui, il y a pas grand monde à mettre à la place, et je pense que Lindblad a montré encore ce week-end qu'il est loin d'être prêt, donc, ça veut pas dire que Red Bull le mettra pas, hein, parce qu'on sait comment il fonctionne, mais voilà, après, je pense que c'est un peu l'avantage qu'il y a pour lui, et aussi, accessoirement, que si Adjar est promu, ils vont pas avoir deux pilotes à mettre à la place de toute façon. Donc, Alors, oui, en Q1, je rappelle que Adjar met quand même 3 dixièmes à Lawson. Hein. Lawson, c'est le dernier. Adjar, 16e. Adjar colle quand même 3 dixièmes, même plus de 3 dixièmes. 3 dixièmes et demi à Lawson, ce qui est quand même sur un circuit aussi entre guillemets facile que Monza, le pilote fait moins la différence qu'ailleurs, il court, c'est colossal quand même. Ouais. Et le problème, c'est que par rapport à certains autres pilotes qui prennent cet écart-là, il le prend pas face à un Verstappen ou un Russell, il le prend pas face à un pilote qui est dans la même équipe, dans l'équipe depuis longtemps, il le prend face à un pilote qui a moins d'expérience que lui, et ça en fait encore plus mal, quoi. Si c'est vrai que je crois qu'il est gêné par Alonso sur son dernier tour en cure. Oui. Et ça reste quand même, voilà. Alonso qui devait sûrement payer le karma de quand ils se sont accrochés l'an dernier. Non, mais sérieusement, je pense que... Ouais, je suis vraiment impressionné par Adjar. De la même manière que Bortoleto, je trouve qu'Adjar, il n'y a rien qui l'atteint. Et j'ai revu une vidéo de quand il était en F3, donc il y a 2 ans, où il s'est sorti à Monza et genre il a hurlé à la radio, j'ai détruit la voiture, machin, il a hurlé pendant 10 secondes et tout. Et là, je me suis rappelé à quel point il a évolué, parce qu'en F2, on continue à dire oui, mais Hadjar, il va falloir qu'il se calme, parce que même en début de saison, tout le monde disait il fait équipe avec Tsunoda, ça va être terrible pour les radios chez Racing Bulls, tout ça. Et en fait, il n'y a pas eu un mot de plus haut que l'autre depuis le début de saison, quoi. C'est ça qui est fou. Il y a eu quelques commentaires un peu épicés, mais rien de méchant, rien de plus méchant que les autres pilotes. Et je trouve qu'il a pris une maturité en 2 ans qui est absolument folle. Et bah, comme Bortoletto, je trouve qu'il y a sûrement un potentiel complètement dingue à exploiter. J'espère qu'il va être bien exploité par ses patrons. Mais après, pour ce qui est de la promotion, trop tard, trop tôt et tout, de toute façon, ça se discute pas déjà. Un, parce que Red Bull, là, sous contrat, ils font ce qu'ils veulent avec. Et deux, de toute façon, comme il a dit lui-même depuis le début de saison, il refusera jamais une promotion chez Red Bull. Il a raison. Non seulement c'est le bon moment, mais en plus, ça reste une promotion dans un top team. C'est un excellent rookie. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut pas réfléchir trop non plus. Si tu commences à refuser ce genre de proposition, t'es pas sûr qu'elle revienne plus tard, en fait. Comme on dit souvent, en Formule 1, t'es aussi bon que ta dernière course. Et encore plus, t'es aussi bon que ta dernière saison. Si il refuse, par exemple, 2026 d'aller chez Red Bull et qu'il fait une mauvaise saison 2026 chez Racing Bulls parce que l'équipe fonctionne pas très bien, etc., bah, il aura tout perdu. Donc, il y aura d'autres qui seront premiers à sa place. Donc, clairement, pour moi, mais la question se pose, c'est un no-brainer, comme on dit, la question se pose même pas. Voilà. Je pense. Je suis d'accord. Donc voilà, en tout cas, pour Racing Bulls, après, ça reste un point de plus. Et puis, ils sont toujours dans la lutte quand même pour la 6e place. La 5e commence à s'éloigner, mais ça reste quand même bien disputé. On passe ensuite à Haas, qui ne marque pas de points, qui reste toujours 9e au championnat. Lieberman termine 12e, Esteban Ocon 15e. Berman, c'était un peu brouillon, mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, la pénalité était un petit peu sévère, hein, quand même. Cependant, il se retrouve à 10 points sur son permis et il n'a plus que 2 points à perdre avant d'être suspendu. Est-ce qu'il a le droit de faire un stage pour récupérer 4 points? Est-ce qu'il peut payer? Non, mais apparemment, le truc, c'est que s'il fait ça, s'il est suspendu, c'est potentiellement Kevin Magnussen, hein, qui officie comme réserviste. Qui lui-même a obtenu une course à Berman l'an dernier. Qui pourrait. 4 courses, tenir. 4 courses. Bah, ouais. Je suis comme chez McLaren, c'est équitable, c'est bien. Et le problème, c'est que c'est 4 courses à tenir, dont Baku et Singapour, qui sont quand même dans le peloton, ouais, souvent un petit peu. Encore une fois, Berman était en lice pour les points comme Azenvoort, et encore une fois, un peu comme le Sun, hein, finalement. C'est rapide, mais brouillon. J'ai quand même perdu des points bêtement pour des non-respects de drapeau rouge, comme 2 fois, à Monaco et à Silverstone, Berman. Bon, après, c'est le record du. Je crois que c'est le recordman de cette année des 11e places. Mais c'est pas le rookie de l'année, en tout cas. Trop c'est le poulie d'or du top 10. Ouais, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un petit peu. Il y a du potentiel, il est rapide, mais il y a besoin. Lui, pour le coup, on sent qu'il y a besoin d'une deuxième saison dans le peloton pour réussir à tout mettre en bout à bout, quoi. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est brouillon. Après, on est sévère, mais Ocon n'a pas fait beaucoup mieux. Hein. Oui, Ocon décevant. Hein. Ouais, Ocon n'était pas trop dans le truc ce week-end. C'était un peu compliqué. Et puis, globalement, c'est quand même compliqué cette année. Alors, Ocon a quand même parlé d'un problème qui sont identifiés le samedi soir, apparemment, dans la nuit de samedi soir, au niveau du l'aileron avant, en termes de charge aéro. Donc, quelque chose, voilà, ils ont mis le doigt, ils ont vraiment creusé sur les données, ils ont trouvé un truc qui pourra peut-être être rectifié d'ici la fin de la saison. Mais apparemment, ils ont découvert quelque chose qui n'allait vraiment pas normalement sur la AS. Donc, il était un petit peu mystérieux là-dessus, mais c'était comme au niveau de la charge sur le train avant. Donc, attendons de voir si ça peut déjà porter ses fruits en termes de réglage sur les prochains Grands Prix. Attendons de trouver quelque chose de plus pérenne, malheureusement pérenne dans ce règlement-là, puisqu'on a encore plus que 8 courses, on va dire. Mais voilà, c'est. Apparemment, ils ont quand même mis le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Après, sa 15e place, elle n'est pas représentative de ce qu'il aurait pu faire VS Berman, puisque lui a tenté, comme les McLaren, d'aller au bout au cas où il y a un drapeau rouge. Donc, il termine plus loin que ce qu'il aurait dû terminer s'il avait fait une stratégie optimale. Je pense qu'il aurait terminé, à mon avis, juste devant ou juste derrière Berman. Mais j'ai l'impression surtout que Ocon, quand il parle, on sent que cette année, il a fait beaucoup de recherches, en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il parle, il dit on a cherché, on a travaillé sur le fond, machin. Et au final, il y a toujours des choses qu'ils essayent d'identifier chez Haas. Alors j'espère que c'est des défauts de conception ou des défauts d'exploitation, de réglage et tout qui leur serviront aussi l'an prochain. et que c'est pas juste lié à la voiture actuelle, parce que c'est un peu dommage de sacrifier une saison si ça n'a pas d'intérêt dans les suivantes. Mais en tout cas, oui, on sent qu'il est toujours le technicien qu'il était chez Alpine. Mmh. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Après, Haas, bah, on le sait, de toute façon, il y a des week-ends avec, il y a pas mal de week-ends sans. C'est un petit peu compliqué. Parce qu'il faudrait peut-être de la recherche de Baquet, Rox Owens. Non, en plus, il a un contrat sur plusieurs années. Donc, Et il a Komatsu de son côté aussi. Donc. Ouais, aussi. Et puis voilà, après je pense que Ocon il a quand même, c'est vraiment un leader technique. Faut pas oublier que chez Alpine, quand il était avec Alonso, c'était lui qui faisait le taf technique. Hein, donc voilà, ça reste. Ah, mais il avait dit. Hein. Il avait balance. Dit. 98% du travail en simulateur, c'est moral. Exactement. Donc, ça, il est pas mécontent d'avoir Berman au départ. Ah, ouais. Non, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Parce que lui, à l'époque, tout le monde disait qu'il n'était pas content que Gasly arrive à ses côtés. Il lui disait si, je suis content parce qu'au moins, j'aurai un pilote qui va bosser avec moi. Donc, et ça, c'était ses propres mots. C'est pas moi qui extrapole. C'est pas long. Voilà, il est pas là, Paul. Hein. C'est... il extrapole position. Hein. Et non pas extrapole Belmondo, du coup. ah, bah écoute. Hein. Chacun sa blague. Extrapole Naref aussi. Hein. Zoan qui demande chez Aston qui fait le taf technique. Bah, Adrian Newey, enfin. Felipe Drugovic, c'est ce qu'avait Stoffel Vandoor. Ouais, c'est ça. Bon, bah, voilà, pour As, on va passer chez Alpine. Alpine, alors. Mais est-ce qu'on peut revenir sur McLaren parce... Attends. Oh non. McLaren, non, du coup. McLaren, c'est des loupards, ils ont manipulé la course. Allez, suite. Les voleurs. Ils ont volé 3 points à Piastri. Il faut que les FIA donnent le titre à Verstappen. C'est défaussé. Ouais, ils vont finir par se faire disqualifier tous les deux pour malversation. Voilà. Pour un spygate mutuel. C'est ça. du coup, on va passer à ça quand même. En parlant de. Non, j'allais faire un lien avec Briatore et les histoires, mais je vais éviter. Du coup, Gasly. Ah, bientôt Singapour, t'inquiète pas. C'est vrai. Ça va lui rappeler les souvenirs. Colapinto crash au tour 13 et victoire de Gasly. du coup, on a une 16e place de Pierre Gasly à Monza, une 17e de Franco Colapinto. Globalement, l'équipe a été en fond de grille tout le long. Bon, mais j'imagine que c'était un peu attendu parce que malgré tout, il y a quand même un déficit moteur qui ne faut pas non plus nier. Hein, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais voilà, alors, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la performance en piste d'Alpine. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose à dire chacun de votre côté. Mais... C'était attendu. Non, mais pas plus que ça. Il y a un truc à dire sur Colapinto qui n'a pas participé aux EL1. Ce qu'il y avait Paul Aron dans la voiture. Et c'est vrai qu'on l'a pas fait. Et pourtant, bah, il était plus proche de Gasly. Oui, c'est vrai. Ce week-end-là, alors même qu'il a été massacré publiquement, alors qu'il dit qu'il avait vu tout ce qu'il avait à voir, et Briatore s'est encore une fois contredit, parce que visiblement, il n'avait pas vu tout ce qu'il fallait voir. Il a dit s'il continue sous ce rythme, on ne sait jamais quoi. C'est un petit peu la tendance. C'est vrai que Colapinto progresse un petit peu, donc il bat Gasly en quelque. De pas beaucoup, mais il le bat quand même, donc c'est pour une 18e place. La course, bah, ma foi, elle est en fin de peloton, mais elle est bonne de Colapinto, c'est-à-dire restant proche de Gasly. Donc il y a quand même du mieux de Colapinto. Les Alpines, qui sont les seules voitures à terminer, qui sont les terminées en fond de grille, pardon, avec les moins bien classées. Donc effectivement, l'arrivée n'était pas là, mais voilà, Colapinto, du mieux. Mais pour une 17e place, donc je sais pas si c'est rassurant. Et d'ailleurs, vas-y. Vas-y. Non, je disais, face au résultat d'Alpine, je pense que Piastri peut toujours se dire que même s'il s'est fait voler 3 points avec McLaren, c'est toujours moins pire que s'il avait signé chez Alpine à long terme, comme c'était prévu au départ. Parce qu'il aurait été 16e et pas 3e du Grand Prix. Voilà pour ce que j'avais à dire sur la performance d'Alpine. Bon, la nouvelle, c'est quand même Pierre qui a signé pour exactement à long terme, voilà, comme je conduis voilà. Avec un optimisme. Oui, 2028. Ouais. Optimisme, je sais pas, méthode couée ou débordant, je sais pas quel est le bon mot, mais bon. Après, ils ont le moteur Mercedes, on a déjà parlé dans cette émission. C'est quand même sur le papier le moteur qui est le plus prometteur pour l'année prochaine, vu l'expérience de Mercedes, vu tous les moyens qu'ils vont y mettre. Donc de ce côté-là, en termes de motorisation, ça semble plutôt être sur le bon chemin. Reste à voir ce que Enstone sera capable de sortir comme châssis et comme aéro. avec la 526, ça reste quand même le grand mystère, mais en tout cas, il a l'air optimiste, il est comme très content de prolonger. Alors, comme j'ai vu énormément de réactions sur les réseaux par rapport à ça, c'est en gros, bah oui, mais t'avais pas le choix parce qu'il y a personne d'autre qui te veut. C'était extrêmement violent. Mais ça obligeait pas. Mais c'est pas faux non plus, quoi. C'est que c'est vrai que Pierre Gasly n'est pas non plus un pilote très courtisé. Bon, après, c'est vrai que les baquets sont quand même plus ou moins fixés un peu chez tout le monde aussi pendant cette période. Oui, voilà. Voilà. Donc, mais c'est vrai clair que c'est pas le, voilà, il n'y a pas non plus beaucoup de choix derrière si vous voulez rester en Formule 1 que de faire confiance encore au projet Alpine pour les 2-3 prochaines saisons qui arrivent. En espérant pour lui, en espérant pour Alpine, en espérant pour toujours les gens d'Enstone et tout ça, qu'effectivement, bah, y ait du mieux, que ça se passe bien, parce que voilà, on n'est pas là pour souhaiter effectivement du mal, même si je sais que beaucoup de gens l'ont fait au moment où Briatore a annoncé la fin de l'aventure avec le moteur Renault. On peut évidemment que souhaiter le meilleur à Pierre et au deuxième pilote qui sera là, hein, on ne sait pas si ce sera Colin Pinto ou un autre. Pour le team Enstone, même si voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement frustrés de la direction du management actuel d'Alpine, même si maintenant on a normalement un Steve Nielsen qui a pris le relais en termes de directeur général de l'équipe. Autant dire que c'est Briatore qui a parlé, c'est pas lui, c'est pas Nielsen. Hein. On n'a pas encore entendu un seul mot de Nielsen sur Alpine alors qu'il était là à Monza. Voilà, bon, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'est Gasly qui lui-même a dit je comprends que les gens puissent. Ne comprennent pas, oui. C'est ça qui est fou. Je prolonce. Et moi, je pense que Nielsen, dans ces quatre, on va l'entendre parler une vidéo d'interview, mais en fait, il y aura, tu sais, une voix avec l'accent italien par-dessus. C'est juste Briatore qui le doublera en parlant à sa place. Mais non, mais c'est vrai que Gasly, moi, je suis assez interrogé par cet élan d'optimisme parce que. En fait, je pense qu'un Gasly qui se retrouve sur le marché des transferts fin 2026, avec le nombre de pilotes qui sont engagés à long terme, il aurait eu sa place pour potentiellement bouger et trouver un bon baquet. Et je n'arrive pas à comprendre, parce que certes, ils auront le moteur Mercedes, hein, ça c'est le gros argument qu'on lance, mais en fait, dans une F1, il y a aussi de l'aéro, il y a aussi un châssis, il y a aussi je sais pas comment il peut faire confiance à ce point-là à Enstone, sachant que plus ça va en termes de performance châssis et aéro, moins ça va. Et je veux dire, en 2023, quand il est arrivé chez Alpine, le moteur était en retrait, mais quand il n'avait pas besoin du moteur, la voiture faisait le taf. Il fait un podium à Zandvoort, il fait des bons résultats à Monaco, etc. Là, cette année, il n'y a pas de bons résultats pour Alpine. Il y a des week-ends où c'est un peu mieux, mais quand il vient poser une 8e place, un peu aidé par la stratégie, on dit « ouais, bah, c'est un chouette résultat ». Alors, c'est un chouette résultat parce qu'il le fait une très bonne course, mais... Et en fait, je comprends qu'il ait envie de se motiver, et je comprends que tout le monde a envie de dire qu'Alpine va fonctionner parce que on rentre dans une nouvelle ère avec un moteur Mercedes, mais je vois pas en quoi ça va régler tous les problèmes, à commencer par l'énorme flou qu'est cette équipe sur le management et l'avenir. C'est-à-dire que, oui, Renault a redit ce week-end le nouveau PDG a dit qu'ils sont engagés à long terme en Formule 1, ok. Effectivement, il y a une direction précise qui est prise sur le plan technique. Néanmoins, on sait qu'il y a un des directeurs techniques en charge de l'aéro qui est parti il n'y a pas très longtemps, ou en tout cas qui est sur le départ. Globalement, le département technique n'a pas l'air d'être encore parfaitement optimal. On n'a pas recruté des ingénieurs de pointe comme dans d'autres équipes, et il n'y a pas eu des augmentations d'effectifs comme ailleurs. Et je vois pas, enfin, même s'ils sont un moteur Mercedes, il y aura trois autres équipes qui auront un moteur Mercedes, et je suis quasiment prêt à parier que les trois équipes feront mieux qu'eux. Et en fait, je comprends qu'ils veuillent voir 2026, mais je trouve que s'engager jusqu'en 2028, c'est de la folie. Et je suis assez d'accord que... Enfin, je suis d'autant plus étonné que Gasly ait ce recul-là en disant « je comprends que les gens ne comprennent pas ». Mais du coup, j'espère pour lui que c'est juste qu'il a bien vu quelque chose de très prometteur sur la suite, mais j'en doute un peu. Ouais, je suis d'accord. Et voilà, le problème, c'est qu'il n'y a plus que 22 places hein, sur la grille. Donc, il faut aussi composer avec ce qu'on vous propose. Donc, comme on l'a dit dans le chat, hein, c'est qu'on ne lui a pas proposé autre chose. Et c'est vrai. Hein, donc, il est bien obligé de faire avec. Hein, s'il veut rester en Formule 1, il est ce qui est fou, c'est qu'un Pierre Gasly aujourd'hui ne vaut pas cette équipe-là. Enfin, il vaut plus. Je veux dire, c'est. Je pense qu'à tout moment, il aurait pu avoir une proposition mieux que ça. Mais après, De toute façon, en 2026, on sera vite au diapason. Ouais. C'est-à-dire que ou ça marche pas. Ça sera vite plié. Si ça marche pas, il coule avec. C'est ça le problème, quoi. Vu qu'il est pied et poilier pour 3 ans. En même temps. Après, les contrats, on sait ce que c'est. Hein, oui. Hein. Oui. Peut-être des clauses, hein, j'en sais pas. Oui, mais bon, s'il a envie de se distinguer, ce sera pas qu'une Alpine Mercedes qui sera en fonderie encore, qui risquera sa place. Hein. Après, c'est le cercle vicieux de la cote. On voit déjà que sa cote aujourd'hui, elle est moins bonne que ce qu'elle était quand il arrivait chez Alpine ou quand il était chez AlphaTauri. Ouais. Alors que pourtant, il fait un boulot aussi bon. C'est ça qui est problématique. Donc, moi, je suis assez inquiet pour lui et ça me rend triste parce que j'ai envie qu'il réussisse. Et d'ailleurs, je tiens à dire, hein, parce qu'on nous dit des fois qu'on est anti-Alpine, on n'est pas anti-Alpine. Moi, je suis pour que les gens qui sont à Enstone aient du succès. Je suis pour que le deuxième pilote ait du succès. Je suis pour qu'il ait du succès. Je suis anti-Briator. Je ne suis pas anti-Alpine. Et je pense que je peux en dire pareil pour mes deux acolytes aujourd'hui. S'il y a quelqu'un à qui on a quelque chose de reproche à faire chez Alpine, c'est Briator. C'est pas, et la direction d'avant. Mais c'est pas, à aucun moment on est anti-Gasly ou anti-Alpine, bien évidemment. En fait, on n'a pas envie de voir une équipe se casser la gueule et des gens se retrouver au chômage ou je sais pas quoi. C'est pas le. Ça n'a rien du tout de ça. C'est juste que. Oui, moi je trouve toujours que la présence de Briator est scandaleuse en Formule 1 aujourd'hui et d'autant plus quand on voit ce qu'il fait de l'équipe. Mais. Oui. Là, il n'y aura pas de débat. Hein. C'est la pierre. On va pas sur McLaren. On peut revenir sur McLaren. Il a quand même ressorti la pierre triangulaire hein, pour Pierre Gasly. Pierre triangulaire. On va dire pierre angulaire. Bon, on l'excusera. Hein, c'est un Italien. Il ne parle pas forcément un français absolument 100% parfait. Mais ouais. Pour que Pierre soit une pierre triangulaire, c'est quand même assez drôle. C'est compliqué. Pierre angulaire, ça ira déjà bien. Ouais, c'est ça. C'est déjà un beau rôle, on va dire. Parce que triangulaire, ça veut dire déjà trois rôles différents. Ouais. Essayer de souffler le pauvre Pierre. Il peut pas piloter deux voitures à la fois déjà. Donc. C'est ça. Et une petite pensée pour Jack Doohan évidemment qui du coup je sais pas ce qu'il en pense Jack Doohan aujourd'hui en voyant ce que l'équipe. Mais je l'ai pas vu dans le paddock. Vous l'avez vu? Non, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Oui, d'accord. Enfin, j'ai pas regardé sur les photos XPB parce que ils ont tout le monde en photo. Mais je l'ai mais pas ça, vu. C'est un bouton qui qu'on l'a pas vu. Aaron est là, oui, depuis quelques courses, mais Doohan plus du tout. Alors que pourtant, on le garde pas en titulaire, mais il restera dans l'équipe et on continue à le soutenir et tout ça. Encore une fois, c'est Briator qui l'avait dit, donc. C'est vrai. C'est toujours à mettre en doute. Et on va finir cette émission par Aston Martin. On parle pas de McLaren. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est à Silverstone, Doohan. Silverstone, Doohan. Ah ouais. Ouais, donc, tu vois, ouais. C'est un petit moment quand même. Non, mais en fait, sur son compte Instagram, il poste des stories de lui faisant du vélo. Je pense qu'il envoie de botassisation excellente. Vivement le mulet. C'est pour se préparer à la moto, non, peut-être. Comme ah, c'est ça. Ouais. Non, mais il était dans le paddock de Monza. Avec l'équipe de Steiner. Ah ouais. Il était à Monza. Ouais. Il était à Monza. Ah, ouais. Bah, il n'avait pas été photographié à Monza. Ouais. Par des femmes. Pourtant, notre photographe. Ouais, généralement, il rate pas grand monde. Quand même sur plus de 5000 photos sur le week-end en tout. Ouais. Voilà. D'ailleurs, oui, encore une fois, hein, si les gens veulent aller voir, il y en a plein de photos du Grand Prix d'Italie. Oui. Et donc, on finit avec Aston Martin. Alors là, bah, ça a été un peu la cata. Bonne qualité d'Alonso. Je propose qu'on parle aussi longuement que les pilotes ont parlé. Comme ça. On peut faire une lance-roll, effectivement. C'était pas terrible. Stroll termine dernier des pilotes qui termine et Alonso est premier des pilotes qui ne terminent pas, donc ils sont tous les deux très très loin dans le classement et puis bon, pas grand chose à dire je trouve. Enfin, Alonso fait une bonne qualif, mais à part ça j'ai pas... Alonso fait une bonne qualif avec une voiture qui n'était pas performante hein. Oui, la traînée aéro de la Sun normalement c'est pas ça. Ah ouais, moi sa qualif elle est quand même, elle est très bonne hein, sa qualif. Ouais. Elle est très bonne et puis sa suspension devait être je sais pas, en tout cas bon, ouais, on va pas croire qu'il est maudit. Ah bah il parle de sa malchance hein. Il dit quand même voilà, il fait un 28-0 de suite, oui, d'ailleurs, en cours face 28-0 à, oui ouais, face à Lance Stroll, donc il a un petit peu ironisé mais sans trop appuyer dessus, mais bon voilà, le message est quand même bien passé auprès des journalistes en disant ouais mais c'est pas mon 28-0 en qualif moi qui m'inquiète, c'est ma malchance le dimanche parce que Stroll il a 2 points de plus au championnat que lui, mais pourtant ça veut dire qu'effectivement le dimanche ça va pas, donc et encore on l'a bien vu là, il y a vraiment l'exemple le plus parfait des déclarations qui sont tombées 3 heures après, c'est qu'il abandonne sur une case de suspension, donc c'est ça. Bon, les vibreurs de Monza sont pas extrêmes voilà, sauf que bon sur les rebords un petit peu éloigné de la piste, là vraiment l'extrême, là c'est les creux sont quand même plus importants. Peut-être qu'avec la suspension, il rentre en vibration ou autre chose, effectivement que ça fait une fragilité par rapport à ce qu'il avait déjà fait sur le week-end. Bon, il y a certainement une explication qui nous sera donnée, mais c'est un petit peu la malchance effectivement de Fernando encore qui frappe. Donc, Et puis sur Stroll, la semaine dernière, on disait tiens, il avait fait une bonne course à Zandvoort, ça c'est typique de Stroll, il fait une bonne course et puis il disparaît. Bien voilà, pas manqué. Disparu. Voilà. Il a dit trois mots en interview post-course aux médias. Ouais, trois mots. Il a disparu sur la piste et en dehors. Avis de recherche. C'est ça. Donc c'était vraiment très très décevant de Stroll qui l'éliminait en Q1 alors qu'Alonso faisait des miracles. Ouais. Ouais. C'est dur surtout qu'Alain Stroll il avait brillé. Hein. C'était 17. Plus ouais, 17, il fait 3ème en qualif et pas en première ligne. Et là, bah non. Et podium en 2020. Mais il voulait pas. Non, là, il était pas. Et pour rappel, pour remettre un peu en contexte les chiffres, parce que 28-0, c'est la série en cours, hein, c'est pas le total. Donc ça veut dire que 28-0, ça fait qu'il n'a pas été battu. Alonso n'a pas été battu par Stroll en qualif depuis juillet 2024. Et sur le total depuis début 2023, c'est-à-dire début de leur association, il y a 54-8 pour Alonso. Donc voilà, je pense que ça en dit long sur le fait que même si Stroll a 2 points de plus au championnat, clairement, c'est pas une question de talent. On est là-dessus. Ah oui. C'est une question d'efficacité. Et est-ce que McLaren aurait inversé leur position du coup? Bon, je pense que ça peut marquer la fin de cette émission. Ouais. Néanmoins, on va évidemment revenir sur les pronostics, hein, comme d'habitude, puisqu'on avait fait des pronos pour Monza. Attendez, parce que je les ai pas repris. Ah, super. Ouais, j'ai pas du tout préparé, tu vois, je me suis laissé embarquer. C'est ce débat, il m'a perturbé. Alors, pour l'Italie, Alex, tu avais mis Piastri, Norris, Leclerc. Donc tu as un pilote bien placé, un pilote mal placé. Franck, tu avais mis Leclerc, Piastri, Hamilton. La passion, hein. Exactement, j'allais te dire, on peut pas t'enlever ta passion et ta fidélité à Ferrari. Là-dessus, bravo. Ça aurait pu, hein. Il était quand même pas si mal. Hein. C'est vrai. Et moi, j'avais mis Norris, Verstappen, Piastri. Donc j'avais le podium dans le désordre. C'est Manu qui gagne, bravo. Ouais, c'est ça. Et en plus, Verstappen a fait encore mieux que ce que je pensais, mais c'est vrai qu'avec peu d'appui, j'imaginais bien qu'il allait être assez fort. Et du coup, nous avons fait évidemment les pronostics pour Bakou, qui sera donc dans 2 semaines. Alors, Alex, tu as dit Leclerc, Verstappen, Piastri. Si c'est enfin Ferrari qui gagne, je ne sais pas si Franck sera ravi parce que Ferrari gagne ou dégoûté parce que pour une fois, il n'est pas. Pour une fois, c'est pas lui qui aura mis le pronom. Je m'en fous, moi, de mon Ferrari en gagne au moins une. Ouais, c'est vrai que ce serait mérité même pour Leclerc parce que. Après, ouais, Ferrari, je les vois mieux à Bakou, mais après, ouais. C'est aussi pour bilanter les paris. Hein. Bah, le problème, c'est qu'à Bakou, ils ont souvent été très bons en qualif, notamment parce que Leclerc est très bon en qualif là-bas. Mais en course, ça a toujours été un peu plus compliqué, donc à voir si ce sera pareil cette année. Toi, Franck, tu as mis Verstappen, Piastri, Hamilton. Ouais, j'ai rebondi sur la performance de Monza pour Verstappen, sur un circuit quand même très rapide quand même à Bakou et pas de virage à haute vitesse. Donc il y a la section du château quand même. Ça peut jouer pour Verstappen. Ouais. Et moi j'ai mis Norris, Piastri, Leclerc. Donc voilà, je mets un doublé McLaren. Peut-être que McLaren voudra que ce soit l'inverse, je sais pas. Mais en tout cas. Ah, s'ils inversent, c'est qu'ils te font perdre ton triplé. Ah, ben alors là. C'est sûr. Là, je veux même soutenir Red Bull, là, c'est clair et net. D'ailleurs, on a tous dit du bien de Verstappen cette émission. Parce que quand il fait les choses bien, il n'y a pas de raison de dire du mal. Hein. Ouais, parce qu'on s'est pas entendu sur le fait qu'il a tassé Norris dans l'herbe de manière. Mais non, je l'ai même défendu pour ça. Alors, on a fini Red Bull, on passe à McLaren. Alors, le débat de McLaren. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un débat. C'est vrai qu'on est souvent d'accord, parce qu'on a souvent des visions un peu similaires des choses, et puis on les débriefe un peu aussi des fois en direct. Mais c'est aussi bien de voir un sujet polarisant sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, on a souvent d'accord, mais j'ai toujours raison. Molus dit De Pierlo disait que cette image de mauvais communicant de Stroll est faussée par le fait qu'il n'aime pas parler aux médias français, mais que sinon il communique plutôt plus. Alors. C'est tout le monde là. Je le disais aussi la semaine dernière, puisqu'effectivement il parle plus aux Anglais qu'aux Français. Néanmoins, là les 3 mots dimanche et les 2 phrases samedi c'était AF1, au média officiel. Média officiel. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que globalement il parle plus, notamment le jeudi, il parle plus aux Anglais qu'aux francophones. De toute façon, Villeneuve en plus maintenant il est sur Sky Italia, il est sur Sky Angleterre. Quand vous le voyez pas sur Canal, c'est qu'il est sur une autre chaîne. Sur F1 TV. Voilà. Il y a eu un. Stroll, il parle moins que nous. Oui, ça c'est sûr. Et il y a eu un petit débat sur F1 TV après la course avec Villeneuve et Montoya. Du coup, ça avait un bon goût des années 2000. C'était sympathique. Et bien voilà, on arrive au bout de ce débrief du Grand Prix d'Italie. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses à dire. On a beaucoup parlé, mais effectivement... 1h13 x 2. Oui, c'est ça, la fin de course. Mais c'est vrai que, non, après, c'est vrai que souvent les courses les moins animées, c'est pas forcément celles où il y a moins de choses à dire. Et puis, le débat McLaren, déjà, a fait une demi-heure lui tout seul. En tout cas, merci Franck, merci Alex pour cette émission. Merci à vous deux, c'était bien cool. Ouais, merci au chat. Merci au chat, merci aux gens qui sont là, qui nous suivent et qui nous regardent. On se retrouve dans 2 semaines pour débriefer le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Comme toujours, on vous répète encore une fois, mais d'ici là, toutes les news et infos sur la F1 sont à retrouver sur NextGen Auto. Puisqu'on ne s'arrête pas, il y a encore un petit peu du débrief du Grand Prix d'Italie. On va passer à des news, on va passer à d'autres choses. Et puis après, on attaquera tout doucement la direction vers Bakou. Zouane se dit Grand Prix chiant ou carnage. Alors, il y a eu 2 éditions chiantes de mémoire et le reste, c'était souvent des courses assez animées. Donc, je pense qu'on peut parier sur une course qui ne sera pas ennuyante en Azerbaïdjan. Merci Boy Girl pour le commentaire très gentil, merci à toutes et tous, on vous souhaite deux bonnes semaines d'ici là et puis on se retrouve sur NextGen Auto et dans Grand Prix dans 2 semaines. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, bonne soirée, merci de votre fidélité.